Allez les gars, c'est bon, ce soir je vais vous défoncer à Bandiro. Oui, même s'il n'y a pas d'instrument, tu vas pas gagner. t'es mauvais. Faites pas les malins, vous allez voir. Ce soir je vais tous vous prendre, je vais vous niquer, je vais vous déglinguer, je vais vous retourner, je vais vous casser les pattes arrière. Ouais, c'est ça. Bon, c'est bon, Tof, on parle d'un jeu de musique là, pas d'un jeu de cul. Hein. Ouais, bon, c'est pareil. Hein. D'ailleurs, tu sais, c'est quoi toi le futur de Bandiro? Non. Bah, c'est Bandora. Bonjour, c'est Zizou. Alors moi aussi j'écoute avec elle de 21h à minuit parce que franchement c'est bien. Du dimanche au vendredi, 21h minuit. Parce que franchement c'est bien hein. Et c'est Zizou qui le dit. Exactement, ouais. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ce soir c'est le grand soir. Ce soir on saura si Domenech reste le sélectionneur national ou pas. Ouais, ça on s'en fout, on saura surtout si la France ira à la Coupe du Monde. Oui, ça c'est vrai. Ouais, avec un peu de malchance, peut-être que Domenech demandera en direct à la télé si Estelle Denis veut bien lui préparer un bœuf bourguignon pour dîner. Ouais, peut-être. Ouais. Ça c'est en cas d'élimination ce soir. Oui, évidemment. Bon, de toute façon, vous serez vite au courant en fait, hein, tout simplement. Si la France est qualifiée ou pas, suffira de tendre l'oreille à l'extérieur, voir si les klaxons de chez vous commencent à taper dans tous les sens. À ce moment-là, ce sera qualifié. Ouais, ouais, bon, enfin, ça ne marche que si tu n'habites pas dans un quartier forte densité algérienne. Hein. Oui, c'est vrai. Parce que en ce moment, il y aura Algérie-Égypte. C'est vrai. Joué, je crois. Ouais, c'était à 18h30. Ouais. Ouais. Bon, donc ce soir, dans l'émission, on parlera enfin de ce site internet danois là, dont on avait parlé hier, là, vite fait. Hein. Ouais, c'était parti un peu en vrille. Oui, bah oui, on avait demandé à quelqu'un s'il pouvait nous traduire 2-3 trucs en danois, et puis finalement, la personne nous a planté au dernier moment. Mais ce soir, ça devrait être bon. Voilà. Et tu peux nous faire écouter à quoi ça ressemble du danois? Mais bien sûr. Voilà. Ça, on dirait un peu de l'allemand et du flamand. Je crois qu'elle s'est foutue de ta gueule sans doute. Bon, enfin bref, donc voilà, donc c'est pour ça qu'on avait aussi besoin d'une traduction parce que c'est un petit peu compliqué. Donc je vous explique ce site en fait c'est taptaput.com. C'est traduit évidemment. Mais c'est quoi l'idée en fait? C'est un jeu vidéo dans lequel t'es Chris Brown. Voilà, donc t'as plusieurs personnages, Chris Brown, Bertrand Cantat, ou Joe Star, et ça ressemble à GTA en fait. Hein, c'est aussi simple que ça. Non, pas du tout, en fait c'est c'est même tout le contraire, c'est une campagne de lutte contre la violence envers les femmes. Contre. Ben pourquoi ça s'appelle? C'est comme si tu faisais un truc pour l'écologie, oui, tu disais niquetaplanète.com. Voilà, ouais, c'est un peu ça. Effectivement, ils jouent sur un peu sur le côté provoque, histoire d'en faire parler. Et puis ça marche, hein, puisqu'on en parle un soir. Donc voilà, je vous en dis pas plus pour l'instant. Ce soir, c'est mercredi. Et le mercredi obligé, bien sûr, nous parlons de cinéma. Et oui, avec le petit ciné de Los Mexicanos. Si. Ils vont deux fils parler de Twilight. Oui, alors clairement, hein, Twilight à l'honneur dans le petit ciné des Mexicains ce soir avec le tout fraîchement élu homme le plus sexy de l'année. Mais attends, c'est Pedro qui a été élu homme le plus sexy de l'année. Non, le petit ciné des Mexicains parlera de l'homme le plus sexy de l'année, hein, c'est Robert Pattinson. Oui, on avait dit ça hier, mais il a été détrôné aujourd'hui, j'ai vu ça par Johnny Depp. Ah bon? Ouais, ça vient de changer, je crois. Ah ouais, d'accord, ok, très bien. Bon, bah écoute, alors parfait. Hier, j'ai entendu une sexologue qui parlait du film, d'ailleurs. Ouais, c'est-à-dire que maintenant ils vont nous faire des thèses sexo sur toi. Ouais, grave. Bon, et En fait l'idée c'est qu'il y a un côté sexuel dans le film quoi, mais ouais. Finalement il pêche au jamais évidemment. Bah, c'est ça. Hein. La meuf, la sexologue, là, elle expliquait que c'était ça qui attirait les jeunes. Mais le plus drôle, c'est de savoir que d'accord. Le réalisateur du deuxième volet en fait de Twilight, c'est le même qu'American Pie, où là ça pêche bien comme il faut. Donc ça se trouve, on aura des bons trucs. Quoi. Ah putain, pourquoi pas, ouais. Mais enfin, vraiment, ouais, vas-y. Tu sais, une parodie de Twilight façon American Pie. Ça pourrait être très très bien. Où est-ce qu'il mettrait sa. Non, ça ira. Ah, dans le bon, pomme. Allez, vu la masse de sur Twilight, là, j'ai très très vite peur que ça dérape. On va une digne de top. D'ailleurs, il n'a rien dit. Non, mais vaut mieux. Voilà, c'est ça. Bon, on reviendra sur le cinéma tout à l'heure, mais ce soir on vous parlera aussi de télévision. Eh oui. Aha. L'émission préférée du roux. Bah, faut savoir, soit c'est Attention à la marche, soit c'est Confessions intimes, mais c'est pas les deux. Hein. Ah, il y a le magazine de la santé aussi qu'il aime beaucoup. Bon, ouais, allez, d'accord, vrai. Ok, j'avoue que Confessions intimes, c'est plutôt l'émission préférée voilà, d'équipe. Merci, ouais. Voilà, c'est ça. Et hier soir, on a encore eu droit à du gros dossier. Hein. Jalousie, tuning et rapport mère-fille. Non, hier c'était boulimie. Personne ne dit rien. Sinon, je dis oui. Mais non, suivi, ça va, t'en fais pas. Dans l'autre sujet, c'était je t'aime comme je te hais. Et enfin, je suis exécrable. Et alors? Ah, de l'aigreur. Ça, tu vas te ça va te plaire, Mike. Bah, je vois pas de quoi tu parles. Non, moi non plus. Voilà. Bon, le décor de l'émission de ce soir est plus ou moins planté. Avant de passer au répondeur de l'émission, j'ai reçu un petit mail par rapport à notre délire là d'hier sur ce que vous sauveriez si votre appart était en feu et si vous restez donc 5 minutes pour vous barrer, qu'est-ce que vous sauveriez. Alors il y a un petit mail que j'ai reçu. Salut Mickaël, merci pour l'émission qui me fait bien marrer tous les soirs. J'espère que vous continuerez longtemps. Blablabla. Par rapport au truc qu'on sauverait si ça prenait feu chez moi, perso ça m'est déjà arrivé, rien de grave, mais j'ai quand même perdu pas mal d'affaires qui me manquent beaucoup aujourd'hui. Du coup je pense que je sauverai en premier les choses les plus sentimentales plutôt que mon PC ou mon téléphone. Tu sais, les peluches. Oh, les peluches qu'on t'a offertes, les cartes d'anniversaire, l'écharpe de ma première copine, blablabla blablabla. Le pire c'est que ça lui est déjà arrivé quoi. Ouais, c'est clair. Mais surtout le premier truc que je ferais, c'est d'employer mon extincteur. Wow, j'en ai un dans chaque pièce depuis ce jour-là. D'accord. Pas bête. Ouais. C'est clair. Moi aussi j'en ai un d'ailleurs d'extincteur chez moi. Comme ça je suis sûr. Il va jamais servir pour l'instant, tant mieux. Bon bah merci à Ruben Oui, mais enfin il est dans un appart. Bah oui, mais enfin il est caché derrière le canapé. Ah, ça va. Voilà. Bon merci à Ruben donc pour son petit mail. Et puis à propos de ça, j'ai une autre info hallucinante à propos d'incendie. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Là c'est le moment qui est venu bien entendu de passer au répondeur du jour. On écoute les messages que vous nous avez laissés au 01 40 71 3400 et le plus original repart comme d'hab avec un cadeau. Pour écouter vos messages, pressez le 1. Si le putain de ta classe, que t'as pas d'amis ou que t'as juste pas assez de thunes pour payer un psy, appelle le 3615, je raconte ma vie. 3615, je raconte ma vie. Le premier numéro où il y a des gens aussi paumés que toi pour leur raconter ta life. 3615, je raconte ma vie. Aussi sur ton iPhone, avec la nouvelle application d'Apple. Il est tout seul. Ou tu peux même créer ton ami virtuel en l'habillant et elle confond comme tu veux. Tu peux même lui parler au téléphone. Il te répondra toujours, tu es mon ami. 3615, je raconte ma vie. 36 euros un appel plus prime appel. Fin du message. Message suivant. Ouais, c'est mon coup de gueule parce que déjà, au collège, ce putain de collège de merde, ils te foutent des interros surprises 4 dans la journée. Donc ça veut dire déjà 4-0. Et en plus, ces connards, ils te disent qu'on va faire une sortie extra scolaire le week-end, juste bouffer un putain de week-end. Pour aller où? Dans un monastère de merde? Putain, j'ai vraiment les boules. S'il vous plaît, aidez-moi. Fin du message. Message suivant. Mickaël et les autres, j'espère que vous êtes bien plus en Corrèze et que vous avez pu goûter un super gâteau qui est localement d'ici, à Brive. Ça s'appelle le Trépaïs. C'est un gâteau qui fait avec du chocolat et de la châtaigne. Et sinon, pour le petit jeuneau d'hier qui a laissé un message pour dire qu'il n'était jamais sélectionné, si la mamie que je suis, et avant tout je suis une maman et non une mamie de 36 ans, c'est juste pour avoir un grand plaisir de laisser un message pour toute l'équipe que j'adore. Voilà, gros bisous à toute l'équipe, à bientôt, au revoir. Fin du message. Message suivant. Quel est le point commun entre faire un saut en parachute et s'éparpiller par tof? Faut pas regarder en bas. Fin du message. Message suivant. Salut les loups, Nikos. Je vous préviens que demain, ce sera en retard un petit peu. Car pendant que vous jouerez à Banderos ce soir, les gars, moi et mon équipe, on jouera la bande Amicos. Et Maria nous a proposé de nous mettre la fessée ce soir. Elle sait pas que je suis un grec, l'insolente. Donc pendant que Flo se fera flageller, les gars, moi, je me ferai une pousse. Comprenez, mes loups? Au fait, Mike, la prochaine fois que Sandro te dit plus que 110 sur la balance, demande-lui de mettre l'autre jambe, tu verras. Elle arrêtera le KitKat, mon loup. Allez, bise à l'œil. Fin des nouveaux messages. Voilà pour le répondeur. Bah, je propose qu'on fasse gagner le dernier. Ouais, ça va tout le monde? Ouais, c'est bon. Ouais. Bon, bah, très bien. Les autres, si vous voulez laisser votre message, 01 40 71 3400. Mais non, ça n'a rien à voir. Bon, ce soir encore pas mal de cadeaux à gagner. Notamment les consoles Xbox 360 avec tout le pack bundle avec. Non, il n'y en a qu'une ce soir. Ah, il n'y en a qu'une? Ouais, parce qu'en fait, on a pris l'autre. Non, bah non, il y en a deux. Mais par contre, j'ai pensé à vous. J'ai demandé s'il y avait moyen de gérer. Ah, c'est sympa. J'ai dit. Hein? Pourquoi t'as pensé à nous? Non, c'est Sandro qui m'a dit, je peux en avoir une. Ah oui, d'accord, oui, ça vient pas de toi, oui. Il sait bien qu'à un moment ou un autre, ça terminera chez lui. Ouais, il y a un truc bizarre là-dessus. Bah, j'ai croisé, j'avais demandé deux, une pour moi et une pour Sandro. Voilà, donc bien sûr, je passe en priorité. Hein. Bah voilà. Mais Mike, arrête, tu t'en fous. Ça n'a rien à voir. C'est abusé. Si mais toi aussi, tu t'en fous, t'as une PS3. Est-ce que tu l'as déjà allumée un jour? Est-ce que tu l'as allumée un jour? Je l'ai prise pour moi, la PS3, je l'ai prise pour garder mon homme à la maison. Que même le roux, il veut pas que tu la vendre, t'as dit la fois passée, ouais, je vais la vendre, machin. Il a fait, Mais ça va pas, tu touches pas la PS3. Bah mec, oui. C'est là pas ah la oui, sienne. Je vais la vendre pour m'acheter un nouveau canapé. Mais c'est pas la sienne, vends-la. Mais tu rigoles ou quoi? Si, c'est un mais peu à lui aussi. C'est pour des conneries. Pour le coup. Ah, c'est lui qui l'a payé, tu lui dois de l'argent, c'est ça? Non, je ne veux pas, non, non. Ah bon, d'accord, ok, bon, très bien alors. Bon, donc ce soir, pas mal de cadeaux. Donc Xbox 360 avec tout le pack bundle, batterie, micro et guitare. On aura l'occasion de jouer, bien évidemment, aussi. Puis niveau musique, on va se faire péter le son de. Qu'est-ce qu'on va se mettre? Cascade avec Evacuate the Dance Floor. On se mettra également Death Cap for Cutie avec Mickey and the Equinox. C'est la BO de Twilight puisque ça sort aujourd'hui. Il y aura le petit ciné spécial. On aura aussi Junior Caldera. On aura aussi du Pitbull avec Hotel Room Service qui était passé nous voir la semaine dernière. Les photos à mater sur emikael.fm. Et puis ce que je propose, c'est que dans un instant, on s'écoute le nouveau Lady Gaga. Ouais. Parfait. C'est quoi? Ah bah Lady Gaga, on avait parlé la semaine dernière là, ce qui ressemblait à Rammstein, Bad Romance. Oula gaga. Oula gaga. Voilà c'est ça. Bon on va se le mettre dans un instant. Et puis petit rappel aussi vite fait, Koé nous doit à manger. Ouais. C'est important. Voilà, il est venu il y a deux semaines, il avait omis de... Il n'a pas omis, non, il nous a dit voilà, on va vous je vous invite à manger. Bon, il n'a plus donné de nouvelles depuis, donc je m'inquiète un peu, mais il l'a dit, donc voilà, bonne chose. Ah oui, petite information également, donc ce soir nous sommes enregistrés. Oui. Pour une fois, tiens, on le dit juste à la fin. Ça. Ouais, mais tout le monde va croire que c'est pas vrai du coup. Non, mais en fait, on a réussi à avoir quelques places pour aller au Stade de France. Allez les Bleus. Et il fallait bien supporter l'équipe de France. Oui. Voilà. On a bien besoin. Mais rassurez-vous, Jack est resté à la maison. Hein, Jack. Oui, la chance que t'as. Bah, exactement. Supporter aussi. Là, je m'écoute là, moi. Voilà. Ouais. Mais rassurez-vous, donc pour ceux qui ont pas la télé ou quoi que ce soit, qui peuvent pas suivre le match, Jack le suivra pour vous. Donc il interviendra dans l'émission, bien sûr. Je sais pas parce que je vais beaucoup être sur Bendiro, je pense. Ah ouais. La console est restée. Justement, on va lui faire des petits pièges. Par exemple, là. Ah ben là c'est 0-0, on est à la 11e minute de jeu, tout va bien. Très bien, bon, allez, attention pour la prochaine fois. Bon, allez, on va revenir dans un petit instant et comme j'ai dit, nouveau Lady Gaga qui arrive juste après la pause. Bouge pas. Mickaël engueule son équipe hors antenne. Et l'émission revient juste après ça. C'est bitch. Et le son de David Guetta à l'instant avec Sexy Bitch, David Guetta et Econ. Et puis on se mettra donc justement le nouveau son de Lady Gaga avec Bad Romance tout à l'heure avant 10h. Aux États-Unis, ils peuvent pas dire Sexy Bitch. Ah oui, c'est vrai, ils disent quoi alors? Sexy Chick. Voilà. Bon, d'ailleurs, ouais, ça sert à rien de dire bitch. Sur MTV et tout, le clip en fait c'est Sexy Chick. Ah bon? Ah ouais? Ouais. Ah bah oui, c'est aux États-Unis MTV. Bah même sur le MTV France ou ça. MTV France, ouais, parce qu'en fait je crois que c'est une rediffusion des États-Unis ou un truc comme ça, donc du coup le clip il est. Ils sont gonflés aux États-Unis ouais, parce que quand tu vois le nouveau clip de Beyoncé, je l'ai mis sur mon blog si vous voulez aller le voir. Allez, oui, bah les mecs, allez-y, hein, Tof, vas-y. Ah, mais j'y suis déjà allé, ne t'inquiète pas. Il y a encore des traces sur mon écran. Bon, c'est même plus du body là, c'est. Maillot de bain. Ouais, elle est en maillot. Bikini quoi. Puis elle va finir à poil, hein, de ces quatre. Ah bah, le nouveau clip de Shakira aussi que je vous invite à aller voir. Rien pour la performance du mec, le danseur, il est juste hallucinant quoi. Enfin, c'est mieux d'aller voir pour Shakira. Tu regardes les mecs maintenant dans les pictures? Non, je regarde les performances physiques. D'accord, ok. Bon, t'as bien compris. Comme on était dans le People, tiens justement, j'ai petit chiffre, hein, parce que le roux aime beaucoup les chiffres, Sandro 25. Aussi, mais elle sait pas à quoi ça correspond. Donc les plus gros bon, on en parle. X Factor a démarré donc le 28 septembre et ça s'arrête le 21 décembre. Jusque là, vous allez me dire, c'est génial. Ouais, juste avant Noël, c'est bien. Voilà. Et ça à votre 4 avis, mois, quoi. Et à votre avis, combien prend chaque juré pour l'ensemble du truc pour les 4 mois? Bah, ils doivent prendre. Allez, d'abord, 40 000 euros par émission. Par émission. Ils sont tous payés pareil. Hein. Je sais pas. 2000 euros 3000 euros Par bah non, bah 2000. Plus. Moi j'aurais dit 1005. Non, Attends, bah non, c'est pas énorme. Par émission. T'imagines par émission. Il y en a 4 par semaine. Non, il y en a 4 par mois. Oui, 4 par mois, ça je veux dire. Ah, il y a 4 émissions par mois. Ouais, 4 émissions par mois. Ouais. Par mois. Selon le mois. Ouais. Moi je dirais quand même un bon petit 20 000. Hein. 5 000 par émission. Redescend sur Terre. C'est W9, c'est pas TF1. Ah oui, c'est vrai. Ouais, 5 000 par émission. Ouais. Le programme a quand même coûté 5 millions. Hein, ouais, je sais, mais quand même. Donc 7 692 euros par émission et par personne, soit 100 000 euros pour 13 émissions. Bah j'étais pas loin. Ouais, c'est vrai. L'euro, tu veux faire durer 20 000. Bah 20 000, ouais, mais c'est loin de 7 000. Au juste prix, j'aurais remporté la mise. J'avais dit 5 000. J'étais la plus proche. J'avais dit 5 000. Ouais, j'ai dit 20 000. Ouais, mais quand t'es au-dessus de 200 000, c'est moi la plus proche. Non, c'est l'inverse. Là, il parle pour tout. 100 000, c'est pour toute l'émission. Bah moi aussi, je parlais pour tout. Ah, mais là on parlait mois. Pour une par semaine. Ah ouais, bah, je vous ai niqué les gars. Ouais, non, ça t'arrange. Tu veux faire jurer l'année prochaine? Avec plaisir. Laurent n'y connaît rien à la musique, mais il est d'accord. Hein. Pour 10 fois moins. Bah oui. Ah mais faut que tu sortes un album au moins ouais, pour être vrai. Connu du grand après, public. Après, ouais, mais attends, et il joue à Bandiro là. Ouais, c'est ça, bientôt. C'est peut-être un album bientôt. Hein. Bientôt, ça va être la star de Bandiro. Et on sait pas, on sait pas. On peut faire un groupe même autour de lui. Groupe de Casso. Moi je suis la batteuse direct. Ouais, c'est quoi. Bah alors là, reste tombé. Moi je suis le batteur. Non, c'est moi, toi t'as la guitare. Mais non, toi t'es mauvaise. Mais t'es meilleure à la guitare. Mais non, je suis une merde à la guitare. Non, à la batterie, je suis pas mauvaise, ouais, arrête ouais, de mentir. Sandro, on fera jouer du triangle. Ah, ça c'est bien. Parfait. Oh non, non, non. À chaque fois, en musique, non, comme j'avais le triangle. J'en veux plus du triangle. Les plasticines bon, qui sont venues il y a deux semaines, il y en avait une en fait, c'est qu'il y avait un truc, ça faisait. Oui, mais c'est la c'est la batteuse, parfait. Parce qu'on n'a pas pu faire rentrer la batterie dans le studio. Moi, ouais, je suis d'accord ouais, avec qui voulait pas. Avec Sandro, je la verrais très très bien à la batterie. Son surnom serait la grosse caisse. Bon, enfin, encore à la limite, ça va, eux, ils bossent. Hein, sauf qu'il y a des people qui prennent de l'oseille juste pour des soirées ou des anniversaires. Bref, pour venir, quoi, en fait. Ouais, tout simplement. Ça se fait souvent, ça. Et c'est un beau métier, people, quand même. Alors, justement, on a la chance d'avoir un spécialiste people ce soir. Nikos qui est avec nous. Bonsoir, Nikos. Salut, Lulu. Bon, alors, Nikos, alors toi qui es un spécialiste people, là, ça te semble surprenant. Attends, Boulou. Quoi ? Je ne suis pas qu'un spécialiste people, Boulou, je suis le people. Est-ce que t'as vu mes sondages ? Oui, on a vu, là. T'es bien, là, sur le matin, c'est pas mal, hein ? Attends, Lou, je suis pas premier que sur le matin. T'as vu comment on les reprit sur le net ? Je suis premier sur le net. Ça y est, je suis un people, Boulou. Et vous allez rester, bah, des loups. Bon, dis-nous, Nico, ça te surprend, toi, que les people monnaient leur présence dans les soirées ? Mais non, Moulou, c'est normal, ce sont des people, le people, c'est cher. Tu vois, moi, par exemple, j'essaye de faire venir Jean-Pierre Trébert tous les jours dans le 6-9. Impossible, Lou. Comment ça, Nico, t'es en contact avec Trébert ? Ah non, attention. Ah, bon, ça va, je me disais, c'est un fugitif, quand même, hein ? Ah non, mais c'est pas ça, Moulou, je suis en contact avec son attaché de presse, c'est un people, Trébert. Ah d'accord, et c'est combien pour avoir Trébert ? 11 millions. Oh putain. Ah ouais, depuis qu'il a vu Tony Mesula à la télé, il veut pareil, Lalo. Ah ouais, d'accord. Eh ouais, je te dis, ça coûte cher, le people, en ce moment. Regarde mes pompes, Jean-Marie Weston en peau de Michael Jackson, c'est la classe. C'est la classe, mais c'est cher, Lou. Ouais, et Odigier, on parle beaucoup de lui, là. Non, Lou, Odigier, c'est différent, c'est un peu comme un candidat de télé-réalité, tu vois. Il paierait pour qu'on parle de lui, Lou. Ouais, d'accord, ok. Bon, alors tiens, je pensais à un truc, là. Si on veut t'avoir, toi, Nikos, là, pour un anniversaire, une petite crémaillère, bar mitzvah, soirée raclette, bref, c'est combien ? Bah, t'es un ami, Lou, voyons. Oui, alors, bah, c'est gentil, Nikos. Bah, samedi soir, tu fais quoi ? C'est 10 000. Ah, quand même. Attends, Boulou, t'as vu mes sondages ? Je suis un people, Lou. 10 000, Nikos. D'ailleurs, ne manquez pas ce week-end, 50 minutes inside sur TF1. Sandrine Quétier reçoit l'animateur qui réveille la France. Un super people, Lou. Non, mais attends, Nikos, 50 minutes inside, là, c'est toi qui l'anime avec Sandrine Quétier, non ? T'imagines, mec ? Je suis l'animateur et le people. Ouais, d'accord, ouais, c'est ça. Ouais. Allez, ciao, les loups. J'ai une veillée funèbre. Un acteur qui vient de mourir tragiquement. J'ai plus son drôle, là, mais je prends 50 000. C'est pas Nikos. C'est bon. Des kilos de feta, pas des euros. C'est ça. Bon, Nikos, merci d'être venu. Hein. Salut, Lou. Allez, au revoir. Hein. À demain. C'est ça, ouais. Bon, bah très bien. Allez, hop. Les pompes en peau de Michael Jackson. Ouais, mais ça vaut cher. Hein. Ça, il n'y a que Nikos pour les avoir. Ah ouais, ouais. C'est ouais. People. Hein. Ah bah ouais, il bah, y a que lui qui peut se le permettre aussi. En tout cas, Leroux pourrait pas trop se le permettre, à mon avis. Non, hein, pas du tout. Hein, je pense. Hein. Bon, vous l'attendiez tous depuis un mois. Ah. Elle est enfin de retour. L'émission préférée de l'équipe. Voilà, hein, du groupe tout à l'heure, mais c'est vraiment de l'équipe. Confession des gogoles. Intime avec Marion, donc Jolès qui anime évidemment, Marion Jolès. Alors, ça a encore été une grande soirée hier soir. Hein. Oh oui, dis, ça, c'était une belle émission, dis. Oui, c'est ça, on en parlera tout à l'heure du couple belge. Alors, je précise d'entrée de jeu que tous les Belges ne sont pas comme ça. Si, hein. Si. Oh, bah non, c'est comme nous, hein, nous dans le Schnorr, on ne fait pas tous du tuning. Hein. Oui, voilà, bah, c'est ça, exactement. Bon, mais avant d'aller dans le plat pays, on va d'abord aller faire un tour dans la France, la vraie, avec Patricia et Dominique, mariés depuis 12 ans. Et on embrouille depuis 13 ans. Ah oui, un vrai mariage d'amour. Eh ouais, un vrai plein de tendresse et de passion. Donc dans le premier extrait, Dominique est encore au lit et il prend son téléphone pour demander à Patricia de venir faire un câlin. Écoutez comme ils s'aiment tous les deux. De sa chambre, il appelle Patricia qui se trouve à l'étage inférieur et se fait tout mielleux. Oui. Bonjour. Tu montes ? Non. Ah. Pourquoi ? D'abord, m'appeler comme ça, tu sais bien, j'aime pas. Et puis moi, j'ai commencé ma journée, moi. Hein? Bon. Puis j'ai pas envie. Point barre. Ouais, ok. Allez. Ouais, ciao. Bon, est-ce que vous avez senti la passion, l'amour, le bonheur, cette joie de vivre qui unit ses amants ? Ah oui, on l'a senti. Ah ouais, moi s'ils font encore amants, parce que... Ouais. Je rêverais d'avoir une meuf comme ça à la maison, ah bah, elle est tellement sympa. Je veux pas casser le délire, mais j'ai l'impression que c'est des acteurs quand même. Bah, franchement, j'ai pas osé le dire, ah, mais j'ai pensé aussi au début. Non, nous cassez pas le délire. J'espère que non. Bon, donc forcément, ce qui devait arriver... Arriva, Dominique est allé voir ailleurs. Ah. Mais Patricia n'est pas une femme comme les autres. Elle ne reproche pas à son mari d'être allé voir ailleurs. Non, non, non, non. Elle est vraiment au-dessus de ça, Patricia. Quand j'ai su que t'avais quelqu'un, tu m'as dit non, c'est pas vrai, on n'a rien fait encore. Bah oui, au début, on n'avait rien fait. Et bah alors arrête de dire que c'est pour le sexe, justement. Tu te contredis tout le temps, là. Tu me dis que c'est pour le sexe. Et pas la violer non plus. Dominique, le premier soir, t'aurais pu le faire, elle aurait dit oui, arrête un peu, hein. Oh, la violence entre les deux. C'est une meuf comme ça qu'il me faut. Oh, la meuf va... qui arrive, qui me dit, mais oui, vas-y, trompe-moi, mais tu la baisses le premier soir. Oui, ça m'étonne pas de toi, c'est effectivement. Encore, ouais. Ça va, ils gueulent pas trop. Non, non, c'est vrai. Ils sont calmes. En tout cas, ouais. En plus, elle a tout à fait la gueule des meufs que tu te tapes, toi. C'est quelque chose d'énorme. Hein. Bon, bah, c'est pas tout, parce qu'on a parlé évidemment de la vie amoureuse, mais il y a aussi la vie. À deux, le ménage, la lessive, préparer à bouffer. Deux meufs, quoi. Et là aussi, c'est tendu, hein. Bah, t'es pas sur mon linge. Parce que j'ai plus envie de le repasser, de toute façon. Allez, d'accord, bah non, moi, je fais pareil, hein. J'ai plus envie d'aller travailler, on ramène pas d'argent non plus, c'est la même chose, hein. C'est bien facile, ça. Tu me dis merci quand je repasse, quand je nettoie, quand je fais à manger. Toi non plus, tu me dis pas merci, comment ça l'air, il tombe à la fin du mois. Bah oui, il a raison. Attends, si c'est lui qui ramène la thune à la maison, c'est normal qu'elle fasse les tâches ménagères, elle. Oui, oui, c'est ça, Ro. Bon, sauf qu'il a oublié un petit détail, un truc insignifiant, quelque chose de. Sans importance. C'est quoi, il est au chômage? Bah pas loin, écoute. Bah, et attends, hein. Tu viens de recommencer à travailler, il est pas encore tombé une fois, hein. Ah, le trou du cul. T'as un truc à dire peut-être, ou encore une fois? Ah bah non, il est de mauvaise foi, ce mec, hein. T'imagines, il a pas touché un bal, il prend la tête à la main. Tu dis merci, toi? J'adore le mec. Ça veut dire que c'est un chômeur d'habitude? Oui, mais dis qu'on parle des gens du plan pays, tu sais, c'est souvent comme oui, ça. Oui, tout à l'heure, on va pas tout faire d'un coup, hein. Faut en garder un petit peu, hein. On le dit un petit bout pour mettre en appétit, là. Bon, allez, puisque tu insistes, le belge, allez, je vous présente Alain et Jacqueline qui eux aussi s'aiment très fort. Écoutez comment Alain parle de son lave-vaisselle ultra moderne. Pourquoi tu crois qu'elle a pas un lave-vaisselle? Moi j'en ai un bon de lave-vaisselle. Ah oui? Ah oui, il s'appelle Jacqueline. Ça te fait mal déjà. Je fais un lave-vaisselle, lui. Oh le bâtard. Ça se fait pas. Non, pourquoi tu dis ça? Ça va, c'est honnête, c'est méchant. Bon, allez, bon, c'est vrai que c'est un peu abusé quand même, mais bon, ne vous inquiétez pas, il en a dit des pires, mais on en parlera tout à l'heure. C'est voilà, un bon lave-vaisselle, il s'appelle Jacqueline. Non, il range la vaisselle tout seul, ouais, c'est ça. Et je mange avec tous les jours. Bon, allez, on va se faire un petit peu de son, je vous l'ai promis tout à l'heure en début d'émission. Con, Lady Gaga avec Bad Romance, et puis on revient aussi avec le jeu des amis dans un instant, ne bougez pas de là. Bonjour, c'est Maître Ping. Et moi c'est Pong. Nous aussi dans l'atelier, écoutez Michael de 21h minuit. C'est très très bon choix, émission. Du dimanche au vendredi, 21h minuit. C'est très très bon choix, émission. Et c'est Ping et Pong qui le disent. Et retour de l'émission comme tous les soirs entre 21h et minuit. Ça tombe sous le sens, vous lâchez toujours vos messages au 612. Débutez par énergie ou sur mikl.fm. On ira faire un tour du côté du Mac. Tout à l'heure on jouera aussi à Bandy Row. Et puis on parlera également de comment il s'appelait encore le site là? Merde, j'ai oublié. Cogtapute.com. Ouais, enfin c'est la traduction, quoi. Et ah, essaye de pas mettre l'intention avec le... Ouais, mais c'est pas drôle. Tu dis juste Cogtapute, pas Cogtapute. Pute. Tu vois, c'est ça la différence. Frappe dans ta catin.com. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, en anglais, ça claque mieux quand même. Hein. It's the bitch. It's the bitch. Ouais, c'est vrai. Non. Ouais, non, c'est, ouais, ça claque. Non, quand ta pute, c'est mieux. Ouais, ça va, gros. Bon, allez, on va jouer au jeu des amis maintenant avec Tanguy qui est là. Frappe. Salut Tanguy. Salut Mickaël. Comment ça va? Ça va. T'es toujours chez tes parents? Ça. Oh là, bah ouais, pour la peine, il a 15 ans. Ouais. Ça va faire, et voilà, c'est fait. Non, mais ça, il a 15 ans. Donc, oui, il est chez ses robes, il est chez ses parents, évidemment. Oh là là. Pas. Bon, Tanguy, alors, on va jouer au jeu, les amis. Tu connais le principe? Oui. Bon, bah tant mieux, écoute. Hein. Tanguy, au fait, t'appelles du 69. Ouais. Et c'est Rieux-la-Pape. Oui, une très charmante bourgade autour de Lyon. Mais ça m'a l'air très sympathique. Tu connais, Toff? J'y suis allé, oui. T'as une meuf, c'est ça? J'avais, mais elle a arrêté de me sucer. Ouais, c'est ça. Bah, cogtapute.com. Ah, cool! C'est ça, quel cougol. Bon, on va donc, Tanguy, appeler dans un petit instant un de tes potes pour jouer au jeu des amis. Il y a Sylvain, il y a Théo, il y a Timothée. Tu veux qu'on appelle qui? Timothée, dans la douche, laisse tomber. Oh, ça va, quoi? Oh là là. Bon, Tanguy, tu disais? Sylvain. Sylvain, d'accord, ok, très bien. Allez, c'est parti. Sylvain est bon, peut-être? Non, ça va, là, j'ai rien. Bah, tant mieux. Ah, Sylvain est bon. Eh ben, prenons-en. Oh! Putain, voir Sylvain est bon. C'est pas compris. Allô Sylvain. Allô, c'est d'alcool. Hein. Allô Sylvain. Oui. Salut Sylvain, c'est Mickaël. T'es à la radio avec toute l'équipe. On est là évidemment comme tous les soirs sur Énergie pour le jeu des amis. Ok. Voilà, on t'appelle avec Tanguy, on va te poser 10 questions par rapport à Tanguy. Si tu réponds correctement à 6 sur 10, ce sera gagné pour vous deux, d'accord? D'accord. Bon. On y va avec nos candidats maintenant, attention. Ouais, on va y aller, t'inquiète pas, Tex. Bon, je te pose des questions, si tu réponds correctement, bien évidemment, tu repars avec, avec les cadeaux. Et lui aussi, il faut répondre du tac au tac. Si tu sais pas, tu peux passer la question et c'est à ce moment-là considéré comme une mauvaise réponse, d'accord? D'accord. Allez, on y va, attention, première question. C'est parti, quel est le pire cadeau qu'on lui ait jamais offert? Une chaussette? Non, un livre. Eh oui, ah. T'as déjà reçu une chaussette, Tanguy? Peut-être qu'on y va tout simplement. Non, c'est pas grave. Bah, Polo, oui. Il m'avait bien offert des pantoufles. Hein. Bah, c'était des vieilles charentaises. C'est vrai? C'était un livre. Bon, quel est son signe astrologique chinois? Cadeau de vieux. Le coq. Bah oui. Quelle est la chose la plus ignoble qu'il ait déjà mangée? Des épinards. Non, de l'herbe, tu diras, c'est vert aussi, mais c'est pas pareil. S'il était une position imaginaire du Kama Sutra, laquelle est-ce qu'il serait? Attendez, la libellule. Oui, la libellule, oui, comment tu sais ça? D'accord. Bon, il m'avait dit une fois, il m'avait dit Et Tanguy, un délire. Tanguy, à quoi ça ressemble une libellule? Enfin, au niveau de la position, quoi. Ah d'accord, ok, très bien. Bon, bah parfait. Question suivante, est-ce qu'il aime l'odeur du parfum à la frite? Non, effectivement, c'est une bonne réponse. À qui écrirait-il s'il avait un rasoir bic? Milk. Eh oui, c'est là qu'on voit que c'est de la triche parce que c'est Mikael. Ah, à Milk. Ah, dommage. Les gars, vous êtes mauvais. Ah, Milk, tu sais pas que ça veut rien dire. Ah là là là là. Il a surtout fait une erreur de frappe, le Gugus là. Bah oui, à Milk. C'est du rapidement et tout, c'est dommage. Ah non, j'ai pas triché. Ouais, non. Malheureusement, t'es obligé d'admettre. Bravo, Micha. Bouh. Genre, il triche, c'est de ma faute. Bah oui. Bon, Tanguy et Sylvain, c'est pas grave. Que va-t-il se passer? Ouh là là. C'est pas, on va les perdu. Fouetter, il va les frapper. On les embrasse très fort. Non, qui n'aurait pas tenté, j'aurais fait pareil. Mais oui, mais c'est tenté, c'est pas mal, c'est bien. C'est pas mal, quoi. Ben oui, bien sûr. Bon, ben c'est pas grave en tout cas. Quoi qu'il en soit, ils étaient mal partis. Il y avait 4 mauvaises réponses pour 2 bonnes. Non, mais ce qui est marrant, c'est comment ils se sont fait griller, quoi. Milk. À qui crierais-tu à Milk? Une bouteille de lait. Oui, c'est sympa. C'est naze. Milk. Milk. Oui, bah, à une lettre près, c'est ton nom. Oui, c'est pas mon nom, c'est juste écrit comme ça, ouais. Mikael. Vous vous souvenez quand la fesse était venue? Ouais. En antenne, il avait dit à Mikael, c'est bien ton logo là, en plus, c'est comique, t'as imité les logos des bouteilles de lait avec le jeu Mikael Milk, c'est très bien trouvé. C'est la fesse. Mikael, pour pas le vexer, il avait dit, ouais, c'est vrai. J'avais jamais vu, dis donc. C'est marqué dans le sens inverse, hein, pour information, mais bon, après, c'est pas grave, on va pas non plus en faire 3 tonnes. Bon, bah, c'est pas grave, retour du jeu des amis demain, bien entendu, à partir de 21h, si vous voulez vous inscrire. N'hésitez pas, 612, débutez le message par énergie, puis vous laissez ami avec votre numéro de téléphone ou alors sur le www.mikael.fm. Mon paquet de rêve, les gants, tout au bain. Voilà, tout c'est du portugais. Ouais, bah. Voilà. Bon, dans un instant, on parlera de ce magnifique site internet hitthebeach.com. .dk. Comme.com, ça marche aussi. Non, j'ai essayé, ça marche pas. Hein. Ah bon, ça marche plus? Ah non, ça marche pas. Non, bah, ça n'a jamais point marché. .dk hein. .dk, c'est oui, danois. Danemark. Ah, danois. C'est comme ça? Voilà. Ouais, c'est vrai que c'était DA. Donc, hitthebeach.dk. Ah, pour moi, c'est un DK. Comme un café. DECA. Mais oui, bah, bien sûr, ouais, DK, ouais, c'est ça. Donc voilà, donc hitthebeach.dk. Vous pouvez aller jeter un œil si vous voulez. On va en parler dans un petit instant. Puisque ça y est, nous avons réussi enfin à contacter notre traductrice qui est déjà là d'ailleurs. Ah, salut Sandrine. Bonjour, c'est peut-être la dernière fois qu'on pense à voir. C'est ça, c'est comme hier aussi, ça a planté. Allô Sandrine? Oui, allô? Comment ça va? Allô? Ah, merci. Je t'imereux là, toi. Tu peux dire bonjour en danois? En danois, non, en norvégien, oui. Bon, en norvégien, si tu veux. Goddag. Goddag. Comme le gouda. Gouda. Goddag. Goddag. D'accord, ok. Mais alors, est-ce que le. Parce que le site est en danois, donc tu comprends quand même? En fait, le norvégien et le danois, c'est exactement pareil à quelques. Ah bon? Quelques lettres près à l'écrit. Ouais, d'accord. Au parler, c'est très différent, mais bon, j'arrive à comprendre quand même le principal, quoi. D'accord, ok, très bien. Bon, bah parfait, on va faire la traduction dans un petit instant, donc bouge pas de là, Sandrina, d'accord? Oui, d'accord. Allez, reste là, et t'es en direct de Norvège, là? Ah oui, oui. Ah, c'est énorme. Tu parles bien français. Eh, t'es où en Norvège? Plutôt dans le sud ou dans le nord? Ah non, je suis... Il fait ses courses pour les vacances. Non, c'est pas ça. T'es dans le sud ou dans le nord? Non, je suis dans le nord, je suis à 100 km au sud du cercle polaire. Parfait. Oh, putain. Est-ce que par le plus grand des hasards, tu pourrais éventuellement me prêter une chambre pour un week-end? J'ai absolument envie d'aller, d'aller voir le cercle polaire et d'avoir la nuit polaire et la journée polaire. Attends, mais je kiffe. Elle t'aura même un crevard chez toi, tu vas voir, c'est tout bizarre. Non, mais j'adore. Ah, mais je suis avec Polo, on sera deux. Hein. Ouais, deux crevards. Ah, ouais. Ah, Sandrine, s'il y a moyen que tu peux me gérer ça, ou même un truc pas cher sur le côté, t'as un hôtel ou n'importe quoi, là, ça peut être énorme. Dans un igloo, si elle peut me gérer deux, trois filles, j'en ai mais les Norvégiennes, genre. Oh là là. Ouais, c'est ça. Ça, et les Suédoises, Polo. Ouais, c'est ça. Génération. Bon, allez, Sandrine, ne bouge pas, on revient dans un petit instant, d'accord? D'accord. Bon, et on se fait Lady Gaga aussi avec Bad Romance. Bouge pas, bouge pas. Et le son de Lady Gaga à l'instant, c'était Bad Romance sur Energy. Oula, Gaga. Merci. Tu le fais vachement bien. Oula, là. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, le moment que vous attendiez tous, enfin je pense, en tout cas depuis hier, on va enfin pouvoir parler maintenant de hitthebitch.com. Ah cool, cognetapute.com. Donc en fait, c'est un site pour promouvoir la fessier pendant les rapports sexuels. Tu vois, c'est incroyable, tu dois toujours penser à tout au cul, tout le doigt d'oignon au cul. Et en fourchant quand même. Et en fourchant. Mais oui, parce que tu sais, j'ai l'image de la fessée, donc tu vois, il y a trop d'informations dans mon cerveau. Forcément, trop d'émotions, son handicap ressort encore plus. Voilà, son handicap. Non, c'est un site pour taper une meuf, pas trop mal en plus, hein, mais qui fait pas tellement danoise en fait. C'est une petite brune, relativement mignonne. Voilà, elle est là, elle est tranquille, elle fait son petit truc. T'es sur le site là? Ouais, j'étais sur le site là, mais je peux revenir dessus si tu veux. Hitthebitch.dk, je vous montre quand même la demoiselle, elle est mignonne, elle est jolie. Hein. Mais il va falloir la cogner, donc à la limite. Mais par contre, ça cogne bien parce que maman, elle est défoncée, elle est au beurre noir et toute rouge et tout le bordel. Tu vois, elle arrive là. Ouais, enfin, on voit rien d'ici. Regardez. Kawash. Voilà, c'est moche. C'est dommage parce que elle est pas mal, mais alors par contre, une fois que tu l'entends parler, c'est. Ouais, c'est parce que tu comprends pas le danois. Ouais, bah ça doit être ça, effectivement, peut-être, ouais. Bon, alors, Sandrine. Oui. Bon, eh bien parfait, puisque tu es là maintenant pour parler de hitthebitch donc .com. Comment s'appelle la fille là dans le jeu vidéo? Je ne sais pas comment elle s'appelle, mais ce que je peux te dire en fait, c'est que tu peux la frapper. Il y a deux systèmes pour la frapper. Il y a avec la souris. Voilà, avec la souris, tu peux faire comme ça. Ou alors, mais tu peux aussi mettre des vrais baffes avec ta webcam. Bon, évidemment, là, j'ai pas de webcam, donc on va la faire avec la souris. Et donc, chaque fois que je lui mets une claque, mon pourcentage gangsta augmente et fait diminuer mon petit côté pussy. Oui, parce qu'il y a aussi une barre de progression qui va dans 100% pussy ou 100% gangsta. Hein. Donc c'est assez compliqué aussi comme système. Ah, tu peux faire les deux, en fait. Voilà, donc 100% gangsta, 100% idiot. Donc ça, j'ai compris, hein, c'est le concept quand t'arrives à la fin. Ouais. Quand t'arrives et que tu lui as bien défoncé la gueule, ouais, t'es 100% gangsta, donc t'es 100% idiot. Donc c'est ça le. T'es un méchant garçon. Le concept, en gros, c'est ça, ouais. Mais c'est ouf, et ça en France, il y aura jamais, hein. Ils autoriseraient jamais. Ah non, bah c'est clair, ouais. Et donc en fait, c'est pas gratuit. Alors je préviens pour les chaînes de garde et les ni putes ni soumises, tout ça, qui étaient déjà en train de rédiger un communiqué de presse pour faire interdire l'émission, c'est un site pour lutter contre les violences faites aux femmes et principalement dans les couples jeunes. Voyons ouais. Ouais, l'état des jeunes. Mais c'est pour montrer le concept. Mais c'est parce que t'as pas joué, tu peux pas savoir encore. Non mais si, c'est enfin quoi qu'il arrive, c'est con. C'est-à-dire que pour éviter que tu tapes ta femme, quoi, ils te mettent un punching ball sur l'ordinateur, en fait. Mais non, mais c'est pour montrer les résultats, pour montrer que t'es un con, que ça sert à rien, etc. Montrer les résultats. Voilà, bon, bref. Bon, Sandrine. Oui, Sandrine. Alors, parfait. Nous allons donc maintenant pouvoir traduire les choses, alors, hein, puisque on va aussi démarrer le jeu pour taper la meuf. Ouais, mais en même temps, tant que t'as pas atteint 100%, ça t'encourage à la recogner. Hein. Oui, ouais, je te confirme. Vas-y, défonce sa mère. Donc, on y va. Attention, essaye de nous traduire, voir si tu captes tout directement. Hein. Donc, on va lâcher la première claque, là. Hein. Alors, Michael. Yes. Ah, attends une seconde. Quoi? Michael, suis allée sur le site tout à l'heure. Ouais. T'as dit stress. Hein. Et j'ai visionné. Bon, ce qu'elle dit quand on la claque, en fait, elle utilise des mots qui sont très familiers. Donc, j'ai pas réussi à tout traduire. Hein. D'accord. Mais bon, le message principal, j'ai bien compris à peu près ce qu'elle veut dire, quoi. Alors, elle dit quoi? Elle veut dire quoi? Il y a ce pelé à la tête, mais non. Alors, en fait, au début, en fait, elle dit qu'elle a passé sa plus mauvaise soirée avec son copain. Oh, d'accord. Et que apparemment ils sont sortis ensemble à une soirée et que et elle a dansé avec un ami. Instagram en train de pic. Ouais, donc ça c'est l'ancien toujours. Hein. Sans que rien se passe de spécial et puis apparemment son petit ami n'a pas T'as pas bien réagi, quoi. Oui, oui, bah, ah oui, bah, vu sa tête. On voit sa tête sur le site, là. L'œil au beurre noir, la malheureuse, là. Ah, ça y est, elle va bientôt tomber, là. Ouais, je suis presque gangsta. Hein. Je suis 95% gangsta, 5% plus. Eh, mais j'avais pas capté que c'était une vraie meuf, moi. Ah oui. Ouais, ça y est, c'est j'ai gagné. C'est une vraie meuf que tu connes, quoi. Ouais, en fait. C'est une vraie meuf que c'est tu ouf. Connes, effectivement, ouais. Je pense que c'est une petite piste de particulier quand même. Hein. Ah ouais, putain, je pensais que c'était un dessin, tu sais. Non, non, non, non, non, c'est particulier. Mais t'as pas la version SM où la meuf est kifrée? Non, ça y est pas, non. Et pendant qu'elle prend les baffes, en fait, elle dit quoi? En fait, elle dit si tu m'aimes vraiment, tu me laisserais faire ce que je voudrais et tu m'obligerais pas à faire des choses vraiment que j'ai pas envie. Nous on a essayé à la troisième baffe, elle se fout de ta gueule, elle dit mauviette, tu tapes pas assez fort. Voilà, c'est ça. Fuck thai. Fuck thai. Donc là elle a dit fuck le resto thai. Donc ça veut dire quoi fuck thai? Je sais pas si je le dis bien, je pense pas mais. Bah fuck c'est pareil, et le reste je sais pas. Thai, je sais pas. Thai, qu'est-ce qu'elle pourrait dire thai Fuck thai. On dirait du rap hein. Ouais, ouais. Fuck thai. Lililet à Lilet. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est pas mal, Jacques. T'as un bon danois aussi. Hein. C'est peut-être Thaï, c'est peut-être tu. Non, je sais. Ouais, ouais, ouais. Sais. Bah, alors, s'il va te faire enculer, elle lui dit ouais, là. Fuck you, en fait. Ah, il voilà. Y a peut-être de ça. Mais c'est bien. C'est Sandro qui a fait la trad. C'est un. On va te faire foutre, quoi. Oh, Sandro est un je l'ai pris avec lui. Ah, ouais. Moi aussi, j'ai pris une grosse claque dans la gueule. Là. J'espère que vous aussi, à la radio. Non, là, ça ira, ouais. Bon, écoute, Sandrine, merci à toi pour les traductions. Même si, effectivement, à la base, tu fais plus du norvégien que du danois. Ça nous a aidé à comprendre le site. Mais ça nous a aidé, effectivement, à comprendre le site. Et, bah, écoute, Sandrine, j'ai ton mail, hein. Je te recontacte prochainement afin de voir quand est-ce que nous pouvons passer avec Polo. Tu me prêtes un igloo. Hein. Dire bonjour. Ouais, comment ça se passe? T'as des igloos? Est-ce qu'il fait vraiment froid au mois de décembre? Comment ça se passe? Non, quelle idée. Là, il fait 6 degrés. Il fait pas. Ça va. Pas très froid. Il fait très beau. Il y a un peu de vent. Ouais. Mais il n'y a pas du tout de neige cette année. Et d'ailleurs, c'est exceptionnel, quoi. Ah ouais, ce qui est sympa, c'est surtout avec les filles là-bas, comme il fait très froid, c'est qu'elles pointent tout le temps. Ah mais bon, elles ont des doudounes sur elles, donc tu vois, pas grand-chose. Je suis pas sûr. Pas vraiment. Non, mais tu sais que au plus il fait froid dans des pays comme ça. Ah oui, elles sont habituées, elles comme sont les anglaises. Ouais, c'est clair. J'avais vu un reportage comme ça aussi, je sais plus, sur Discovery, je crois. Et la meuf, elle était là, tranquille. Il faisait moins 40. Ah ouais, mais. Et elle dit non, ça va, aujourd'hui il fait bon. D'habitude, il fait moins 60. Aujourd'hui, non. Il fait bon, à 40, ça va. Et j'aime pas aller dans les endroits où il fait plus de 5-10 degrés, j'ai trop chaud, je déteste la chaleur. les gens ils sont pas très couverts ici hein, parce que je vois que même mes enfants ils sortent un t-shirt. Oh là là, ouais, c'est l'habitude. C'est marrant, ouais, c'est l'habitude. Ah oui, ils sont pas malades. Hein, donc j'aimerais bien voir s'il y a des statistiques qui existent pour savoir si tu vois, t'as une meilleure circulation du sang ou. Bah, je sais pas, ouais. En tout cas, comment se comporte ton corps. Tous les scientifiques que je vois, à chaque fois, les pays scandinaves, c'est le meilleur endroit pour vivre pour des milliards de raisons. Quoi. Ouais, c'est possible, c'est possible. En tout cas. Oui, c'est moins de malade aussi. Donc il y a quoi? Moins de mariage. On est moins malade. Hein. Ah oui, moins malade. Ouais, ça, ouais. Il y a moins de rhume, c'est sûr. Pas dans le nord en général. En tout cas, merci Sandrine d'être passée. Ouais, nickel. Je voulais rajouter un truc à propos de ce site. Vas-y. J'aurais voulu traduire ce qu'il y a à la fin, en fait, le texte. Vas-y, la conclusion. En fait. Voilà, la conclusion, c'est qu'au Danemark, il y a 2 filles par jour et par classe, donc dans les écoles, qui subissent des violences physiques. Ouais. Mais après, ils disent que si tu es un agresseur ou si tu es tu fais partie des victimes, il faut absolument prendre contact. Ouais, d'accord. Si tu es un agresseur, par contre, je suis pas sûr que le mec va appeler pour dire j'ai tapé ma pute.com. Hein. Non, mais il y en a qui veulent s'en sortir et qui arrivent pas, quoi. C'est une question, voilà. Il y en a qui savent très bien ce qu'ils font, mais. Ils peuvent pas s'en empêcher quand même, quoi. Par contre, ça fait peut-être vieux con, mais je trouve que pour te sensibiliser à pas taper les femmes, je trouve que le site il est complètement naze. Si ça, enfin, franchement. Moi aussi, je pensais au début, mais je me suis dit c'est peut-être parce que quand le mec il tape sa meuf, il est dans une espèce de démence, il arrive pas à s'arrêter, alors que s'il regarde ça en étant normal, entre guillemets, pas en transe ou machin ou je sais pas quoi, du coup ça va peut-être l'ouvrir les yeux. Mais t'as d'autres mecs chez qui ça peut amuser. Oui, c'est vrai. Ouais, ah, bah oui, oui. C'est marrant. Le mec qui prend du plaisir à taper sa meuf, il en prendra aussi à taper celle-là. Hein. Ouais, non, c'est vrai, Ophie. Mais bon, Sandrine, rassure-toi, rassure-moi, chez toi ça va bien. De quoi? Chez toi ça va bien, toi t'as pas de soucis, tout va bien. Ça va très bien, j'aurais dit. Ça va, alors parfait, tout va bien. Bon, Sandrine, je te fais des gros bisous. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir traduit le site. Et puis bah tu reviens quand tu veux, d'accord? Pas de problème, merci beaucoup. À bientôt, salut. Ciao à toi, Sandrine. Bon, on va revenir dans un instant, on parlera cinéma. Chicha. Et oui, avec le petit ciné des Mexicains spécial Twilight. On passera aussi tout à l'heure dans les sons US. Le son de Twilight, la BO avec Death Cab for Cutie, avec Meet Me on the Equinox. Et puis tout de suite, on s'envoie un petit peu de son avec le son de Pitbull qu'on a reçu la semaine dernière. C'est Hotel Room Service. C'était le son de Pitbull à l'instant, Hotel Room Service. Pitbull qui était avec nous la semaine dernière. Si vous voulez aller mater le live qu'il a fait en direct dans l'émission, c'est sur mikl.fm. Il y a les photos également qui sont à mater aussi sur mikl.fm. Allez, on est mercredi, parlons vite fait de cinéma. Il y a pas mal de films à l'affiche cette semaine. Vous vous doutez bien que les Mexicains ont voulu parler de Twilight. Exactement. Ouais, tout ça pour faire bander leurs auditrices. Ouais, alors je crois que y en a bien, j'ai mal placé pour dire ça, surtout toi, Tof. Hein. Ah non, je suis désolé, c'est pas pareil. Moi, ce sont les auditrices qui me font bander. Tu peux m'expliquer comment une auditrice peut bander? Ça dépend, hein, drag queen, samedi soir. J'ai des explications. À Brive-la-Gaillarde. Il y a les photos d'ailleurs sur mikl.fm. Non, malheureusement, il n'y a pas de photo avec, avec mon ami Laurie. Oh, déception totale. Bah, il a fait en sorte qu'on soit tous partis de la boîte. Bah, c'est ça. Tiens, en parlant de ça, pas de Laurie, hein, mais de bander, là, vous avez vu l'affiche du film La domination masculine? Ouais, elle est assez drôle d'ailleurs. Oui, ouais. J'avoue, effectivement. Ah, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est une femme qui tricote une bite en laine avec les couilles, tout ce qui va avec, etc. Mais c'est pas que ça tient chaud en hiver ou pas? Je sais pas, mais est-ce qu'elle fait juste un truc qui est plat ou est-ce que tu veux vraiment mettre ta top dedans? Moi j'étais pas là personnellement quand elle l'a fait. Écoute, elle a l'air d'être d'une bonne taille en tout cas. Ouais, avoir la taille ça m'irait super bien. Par contre, c'est réaliste parce qu'il y a une couille plus grosse que l'autre. C'est vrai, c'est vrai. Et t'as remarqué que la verge n'est pas tricotée de la même façon que le reste de la bite. Juste Pedro, si c'est réaliste pour toi, ça va voir un médecin tout de suite. Si, t'as toujours une couille qui pend plus. C'est vrai. Bon, donc c'est un film sur le féminisme, la misogynie, etc., etc. Le réalisateur du film a dit qu'il espérait que les gens s'engueulent en sortant de la salle. Ah, c'est marrant, mais tu vois, nous on n'a pas vu le film et on peut s'engueuler sans problème. Ah oui, ça le contrairement raisonné. Allez, petit exemple. Polo, s'il te plaît, embrouille. Mais ferme ta gueule. Je t'emmerde, toi, ça couvre. Oh, c'est dommage, ça commençait à me plaire. De toute façon, on parlera pas de ce film. J'allais tailler Polo sur ses cheveux. Mais ce qui est drôle, c'est qu'on voit un spécialiste de la question hommes et femmes dans la bande-annonce. À votre avis, qui c'est? J'ai bien dit un spécialiste de la question homme-femme. Non, c'est pas moi, je vous jure. C'est pas Tof. Ah, c'est McDoom. Pas McDoom. Magloire. Monsieur Zemmour. Pas Magloire. Il en reste un sur Monsieur moi. Zemmour. Et FX. Une autre proposition. Pas FX. Monsieur Zemmour. Une autre proposition. Bernard-Henri Lévy. Pas Bernard-Henri Lévy. Coé pour tourner manège. Non, pas Coé. Zemmour. C'est ça, Perrault. Il y a vraiment Zemmour dans la bande-annonce du film. Ah bon? Ah, mais juste dans la bande-annonce, il est pas dans le film. Ah bah ça, je sais pas, j'ai pas vu le film. Faut en profiter parce que ça sera le seul film dont il dira du bien. Ouais, c'est vrai. Et encore, il est pas l'abri qu'il le défonce. Ouais, qu'il aime pas. Ah, sinon, moi j'étais sur Allociné aujourd'hui, je matais les différents films là qui sortent cette semaine et je suis tombé sur un truc. Quand j'ai vu le titre, je me suis dit, oh putain, ça c'est un film dont il faut pas parler. C'est quoi? Bah, on peut pas en parler. On va pas aller loin avec ça là quand même. Non, en fait, sérieux, c'est horrible. Le film te donne pas du tout envie d'aller le voir. Ça s'appelle L'Enfer d'Henri Georges Clouzot. Ah oui, bah j'avoue, ça donne pas envie. Alors, on dirait un vieux film sur un ancien écrivain. Inintéressant. On dirait une histoire vraie surtout. Ouais, bah, oui. C'est une histoire vraie en fait, parce que L'Enfer, c'est un vrai film en fait qui n'a jamais vu le jour finalement. Et donc, du coup, le mec en a fait un documentaire. Ah, c'est ça? Oui. Putain, tu savais en fait. D'accord, ok, très bien. Bon, ça donne pas envie d'aller le voir. Ouais. C'est aussi simple que ça. Par contre, Mike, moi j'ai vu un film qui allait te plaire. Je dirais même plus un film qui va te plaire. Ouais. C'est Dupont. C'est ça. Dupont et Dupont. Ça s'appelle À l'origine et en fait, c'est un film sur un chef de chantier. Bon, merci Pedro. Avant de trouver des films qui me plaisent, commencez par faire des petits idées qui me plaisent. Vous pourrez vous permettre de tailler. Ok, plus sérieusement, parce que je suis quand même payé pour faire ça. Plus sérieusement, il y a un autre film qui pourra t'intéresser. C'est La religieuse portugaise. Je dirais même plus. Oui, tu vas rien dire du tout. Tu vas la fermer. Vous allez la fermer. Vous allez me faire le petit ciné spécial Twilight. Je dirais même plus. Spécial Twilight. C'est parti. Merci Dupont. Bonsoir. Aujourd'hui, dans le petit ciné, on ne pouvait pas passer à côté du film qui va faire un carton. Twilight, chapitre 2, Tentation. Alors, pour résumer, Twilight, c'est un film avec Robert Pattinson et Kristen Stewart. Hein ? Jusque-là, vous me suivez. C'est réalisé par Chris Weisz et c'est l'histoire d'un vampire qui est amoureux d'une humaine. Mais leur amour est impossible, parce qu'à chaque fois qu'il essaie de l'embrasser, il lui plante l'écrou dans la langue. Enfin bref, c'est ingérable, quoi. Et dis-moi, Polo, t'as l'air de t'y connaître pas mal en vampire, toi. Ouais, c'est vrai, ouais, je m'y connais. Mais d'ailleurs, je sais où il crèche. On va y voir. Non, attends. Si on va chez les vampires, ils vont nous sucer le sang. Non, moi, j'y vais pas. Oh, ça serait bien la première fois que tu refuses de te faire sucer, toi. Hein. Bon, j'ai une idée, on va te déguiser en fille. C'est bien, non? Je vois pas en quoi ça va les empêcher de s'attaquer à moi. Moi non plus, mais au moins ça sera drôle. Dans ce cas-là, tu pourrais te déguiser en chauve-souris, hein? Tu passeras inaperçu. Bonne idée! En plus, j'ai toujours ma panoplie de Batman dans mon cartable. Alors moi, je me déguise en chauve-souris et toi en chat de poilu. Enfin, je veux dire en fille avec des cheveux. Ok. Là, j'arrive pas à mettre ça. Là. Attends, ça me sert. Putain, ça me colle au cul, là. Ça y est! J'ai fini. Moi aussi. Non, c'est moi le prums. Oh, on s'en fout. Bon, t'as tes lunettes magiques 3D? Eh ouais, j'ai toujours un jeu de lunettes 3D sur moi. Alors c'est parti. Ça y est, on y est. Bon, et on va où maintenant? Allez, on va faire. Oh putain, il m'a foutu la trouille celui-là. Hey, fais attention, hein, Pedro, n'oublie pas que t'es une femme. Ah oui, c'est vrai. Bonjour, beau brun. Pourriez-vous me dire où nous sommes, s'il vous plaît? Dans notre monde. Ah, d'accord. Et là-bas, c'est quoi? C'est mon monde. Ah, et là-bas? Bon, c'est bon, on a compris. Merde. Par contre, je vois que vous êtes accompagnée. Bonjour, mademoiselle. Excusez-nous d'avoir pénétré inopinément dans votre monde, mais... Mon monde, c'est toi. Ah, c'est gentil. Et tu sais ce que je voudrais? Que tu m'embrasses. Putain, Polo, c'est une gouine. Si vous voulez, il y a mon ami Batman qui se ferait un plaisir de vous embrasser. Il est 10 fois trop gros. Eh oh, calme-toi la donzelle, là, hein. Là, c'est vrai que ce costume de chauve-souris me bousine un peu. Et de là à dire que c'est gros, fais attention à ce que tu dis. Hein. J'ai peur, et toi? Je t'en prie, promets-moi de ne pas faire d'imprudence. Ouais, c'est ça, écoute ton bonhomme, là. Enfin quelqu'un qui réfléchit. Il faut qu'il... Ouais, c'est ça, allez, dégage, va, et n'y reviens plus, hein. Et toi aussi, dégage, là, c'est bon, j'ai assez vu ta gueule de con, là. Je m'en vais, tu ne me reverras jamais. Bon débarras. Tu trouves pas qu'ils avaient une tête chelou, Polo? On aurait dit des cachets d'aspirine qui ont attrapé la myxomatose. Polo? Polo? Polo? Il t'a quitté, il ne voulait plus de toi. Ah ouais. Vous m'avez fait peur. Bonjour, messieurs. Vous avez pas vu un gros bonhomme déguisé en Batman? Qu'est-ce que tu représentais pour lui? Il t'a abandonné, sans protection. Ah bon? Et est-ce que vous pourriez m'aider, s'il vous plaît? Comment résister? Tu es tellement appétissante. Non mais, s'il vous plaît... T'inquiète pas, Pedro! Je suis là, j'arrive! Ah, Polo! Allez, viens, on se casse! Il y a toute une ribambelle de loups-garous qui se battent avec des chauves-souris pour savoir qui est le plus poilu. Allez, on se barre! La fille avec nous. D'accord. Hé, hey, qu'est-ce que tu fous, Polo? Ils vont me sucer jusqu'à la moelle. Ta gueule! Bon, allez, moi, j'y vais. Salut! Vous avez vu ce qu'il m'a fait? Salaud! Je sais ce qu'il t'a fait endurer. Je ne pourrai jamais, jamais te faire ça. Oui. Bon, ben, je vais y aller, hein. Allez, au revoir. Américaine. Et ouais, ouais, grosse prod et grosse prod. Contrefaçon américaine. Mais Pedro s'est fait bouffer le cul. Oui, et là, j'ai entendu que tu étais trop gros. Ouais, c'est le costume. C'est le costume. J'ai mis du talc dedans. Mais là, tu l'as enlevé le costume. Ça doit être ça, ouais. Bon, ça se fait que. Bizarre. Un petit problème là-dessus. Bon, petit ciné que vous retrouverez sur amical.fm, bien évidemment. Et mexicain que vous retrouverez dimanche pour le best-of. Avec le petit ciné. Avec le petit ciné. Avec le petit ciné aussi. Exceptionnel best-of. Oui, enfin bon, avec le best-of quoi. Faudra qu'on parle des chiffres d'ailleurs. Bah, parlons-en. On en parlera, je m'attends d'abord de tout analyser, ça, pour voir. Enfin bref, il faut que j'analyse. Tirer le positif quoi. Exactement. Bon, choix, hein. Allez, restez là, on se met un petit peu de pub. On jouera à Bendiro aussi tout à l'heure. On fera un petit chéri, je t'ai fait cocu ou JAV si vous voulez vous inscrire. 612, débutez votre message par énergie. Et puis vous mettez JAV ou cocu. On jouera dans un petit instant, juste après la pause et le son de Jenali avec J'aimerais tellement. Bouge pas. Bouge pas. Tough part se brosser les dents avec son dentifrice goût oignon gorgonzola. Ça pue le vieux cul à varier. Et Michael revient juste après ça. Et le son de Jenali à l'instant sur Énergie avec J'aimerais tellement. Et on est là tous les soirs entre 21h et minuit. Vous lâchez vos messages au 612 débuté par Énergie ou alors sur mikl.fm. On va faire un petit jeu, tiens, maintenant, avant de parler de Confessions Intimes. On va voir si vous arrivez à juger le prix d'un artiste du show business ou des médias. On va faire un petit quiz. Combien vaut votre artiste préféré? Si tu veux le faire venir chez toi pour un anniversaire, le truc dont on a parlé tout à l'heure. On va commencer par les tarifs du roux, par exemple. 5 euros. Il vient gratos. S'il y a de l'alcool, il vient gratos. Un kebab et une bière. Un kebab et une bière, ouais, c'est ça. Bah, plus d'une bière, c'est gentil. Bon, allez, deux bières. Bon, donc on va commencer par. Alors, j'ai Monica Bellucci, à votre avis, combien ouais, elle prend? Ouais, elle prend cher. Elle prend dans le cul, elle, c'est pas pareil. Elle, je sais, elle a fait une soirée il y a pas longtemps. Pourquoi? Bah, pas comme ça. Elle s'achauffe. Chez un. Merde, chez un russe, je crois. C'était. Ah ouais, elle a pris genre 180 ou. Ouais, 170. Moi j'allais dire 200, mais. Non, 190 000 euros. Ouais. Ah ouais, mais enfin bon. Ah, quand même, putain. Quand même. Chipote. Marc-Olivier Fogiel. Il est invité, lui? Ça dépend, il vient avec ou sans sa hyène? Je sais rien, personne ne veut inviter Fogiel. C'est à qui inviterait Fogiel d'abord? Bon, bah 0 euro, il refuse d'aller en général. Ah, bah ouais. Voilà. C'est le mec qui dit non, je refuse d'y aller, mais en fait personne l'invite. Ouais, c'est ça. Natacha Amal. Ah, elle doit prendre cher, elle. Attention, attention. Non. Si elle a mal, pas Natacha Amal, bah je sais pas. Oui, si elle a mal, elle pour une cher, petite soirée, ouais. Un anniversaire, une connerie comme ça. 20 000. C'est une actrice? Ouais. Ouais, ouais. Pas beaucoup. 3500 euros. Ah, c'est tout? Ah ouais, ouais, ah, c'est pas mal. C'est de la solde. Un numéro de son agent. PPDA à l'époque où il présentait le 20h. Ah, lui, oh, lui, ça doit être 100 000 au moins. Lui, il est payé en chirurgie capillaire, lui. Non. Ah, mais c'est vrai, hein? Ah ouais? Ah oui, non, mais c'est, il l'a dit lui-même. Hein. Il a ah bon 100 000 pour lui? Non. Oh, t'es plus malade, c'est pas Hollywood. Non, moins. 50 000. Pas, mais non. Non, non, encore moins. Encore moins. À l'époque où il était chez. Où il était au 20h de TF1. Ah, il était au 20h TF1, il faut bah, pas quand même, il l'a fait pendant des années. Hein. Ouais. Rappelle-toi que le mec, il prenait quand même 70 000 par mois. 20 000? 30 000. 30 000. Ah, ouais. 30 000 balles. Ouais, comme alors, Jav. On va. Aimé Jacquet. Ouf, bah, ce gars, il vient. Aimé Jacquet, il vient gratuit. Non. Non. Ah non, il vient payant, hein. Ah bon? Ah ouais, ouais, il est bien payant. Bon, oui, pour qui il est, oui. Pourquoi après, qu'il est? Attends, il a fait gagner la France là en Coupe du Monde. Il y a 12 ans. Et alors? Il y a 12 ans. Et alors? 98 000 euros. Non. 11 ans déjà, il y a 11 ans. C'est 20 000. 7 000. Oh, ça va. Ah, bon, enfin quand même. David Douillet. Cher lui. Il doit prendre très cher, surtout maintenant qu'il est. 50 000. Non. Il va être payé en pièce jaune. Non, non. Et c'est pour une soirée, hein. Vous enflammez pas non plus. Hein. 30 000. Non, 17 500 euros. Ah, quand même, putain. 17 500 euros. Eh ouais, bah oui, c'est cher. Ah ouais. Hein. Gérard Depardieu. Oula. En 20. Hein, quoi? En 20, 000. Non, 20 000, ouais. 20 000. 20 000 euros. Putain, ouais. Comme par hasard. Ah ouais. Je mets les fourchettes un peu hautes, moi. Hein. Ouais, t'as vu, hein. Jean Reno. Ton assiette est là-bas. Donc, la soirée, le prix à la soirée. Hein. Jean Reno, ça doit être une blinde. L'autre, c'est il vit aux États-Unis l'autre. Tout le temps. C'est ton pote ou quoi? Ouais. Là, c'est mon pote. J'aimerais bien. Jean Reno. 25 000 euros. Non, 120. 15 000. Ouais. Non. 100 euros. Tu vas soit trop haut, soit trop bas. 70. 50 euros. Il prend plus que Depardieu, Jean Reno. Jean Reno, il prend 70 000 euros pour être invité à un anniversaire ou une soirée. Voilà. Paris Hilton. Oula, bah alors elle prend 100 000. Elle prend partout, elle. En dollars, on est passé en dollars. Ouais, hein. Bah je serais encore moins que les euros. Ouais, moi j'aurais dit 100 000 aussi, allez, ouais. 150 000. Ouais, c'est ça, 150 000 euros, 200 000 dollars à peu près. Britney Spears. Ah bah là, rassure-moi, elle prend beaucoup plus que Paris Hilton. Bon, allez, on va doubler, donc on a 200 000 dollars, 400 000 dollars. Un an plus même, c'est Britney. $1 million, baby. Bah ouais, t'imagines si elle fait une grosse crise de bipolarité là, ouais. En soirée. Non, mais on s'en fout, on est pas son psy. Non, mais un million. Non, mais. Un million, ah, alors attention, mec, hein. Ouais. Un million. Ouais, mais attendez, Paul McCartney en livres sterling. Enfin, vous pouvez faire en euros si vous voulez. Bah, donc il est plus parce que depuis tout à l'heure, on sait de pire en pire. 2 millions de livres. Non. 1 million 5. Non. Je connais pas le cours de la livre. Bon, ça fait aussi 1 million d'euros à peu près, 900 000 livres. Putain, donc c'est... Ah, mais oui. Ça fait donc 1 million demi de dollars. Hein, parce qu'on était en dollars avec Britney Spears, donc on peut pas tout mélanger. J'ai perdu. Elton John. En quoi là? En allez, quoi, ouais. dis-moi en dollars, je ferai la. Elton John en dollars, bah 2 millions. 3. Non, 1 million 6. Ah, c'est tout? Oui, enfin, quand même, c'est une baguette. Ah, elle est... je respecte. Attention, le reste 2. Céline Dion. En quoi alors? Pareil, Céline en dollars Dion canadiens? En dollars US. Bah, donc on était combien? 1, 6. Allez, on va passer à 1, 8. 3 millions 3. Pour Céline Dion? Ah bah oui, c'est elle. Attends, on l'a tous les soirs dans notre salon là, quand elle est chez Foucault. C'est bah ouais, chez Foucault. Chez Foucault, ouais. Bon, et alors. Attention, ah bah tout seul. Hein. Et attention, les Rolling Stones. Oula! Ah ouais, d'accord. En dollars. Hein, ouais, en mais dollars, il y a de l'alcool, il y a de la, ah ouais, non, de mais la cam. Non, mais, ah non, non, ça c'est hors cachet. Alors, attends, donc on était à 3, donc allez, on va passer à 6. 5. 5. Oh, peut-être pas quand même, 7. Les gars. 5 millions de dollars. Ils 5. Sont 4, ils sont 5. 4, faut diviser. Hein. Ah, bah, 1 million chacun, bah 4. 8, 2 millions chacun. Eh bah, vous étiez pas loin, 11 millions et demi. Oh putain. Alors, ils ont aussi facturé 13 millions de dollars une prestation au Hard Rock Café, au Hard Rock Café de Londres. 13 millions pour venir chanter à Londres, au Hard Rock Café. Ouais. C'est quand même violent, hein. Bah, c'est quand même très violent. C'est dur, la vie d'artiste. Ah ouais, je te confirme, ouais. C'est extrêmement difficile, la vie d'artiste. Mais bon. Bon, et qu'est-ce qu'il y a, Sandro? Mais je sais pas, il me fait peur, là. Enlève. T'as une coupe de cheveux improbable. Ah, en fait, t'es con, j'ai cru que j'avais une bête. J'étais en mais non, t'as Michael Jackson qui est derrière toi. Non, avec l'électricité statique, t'as ses cheveux qui partent à l'horizontale, comme ça, c'est super drôle. Avec des poils dans le dos. Super Saiyan. Bon, allez, on va passer aux choses qui durent maintenant. Hein, ça fait assez longtemps que je vous fais attendre. Non. Bonsoir et merci de votre fidélité à Confessions Intimes. Exactement, il est temps de faire la deuxième partie de Confessions Intimes. Allez, tout à l'heure, je vous ai fait découvrir Alain et Jacqueline avec leur lave-vaisselle ultra moderne qui range la vaisselle. Pourquoi tu crois qu'elle n'a pas un lave-vaisselle? Moi j'en ai un bon de lave-vaisselle. Ah oui? Ah oui, il s'appelle Jacqueline. Ça, tu veux il range même la vaisselle, lui. Quel connard. Ah oui, bien, bon lave-vaisselle, on a tous le même chez nous, tu sais, pour une fois qu'on en avait un, ensemble. Arrête de dire ça, là. On va croire que tous les Belges sont comme ça. Il faut dire la vérité. Hein. Oui, bah la vérité, pas n'importe quoi justement. Bon, maintenant vous allez attendre pour avoir la suite de la vie de Jacqueline et d'Alain. Avant, on va faire une petite rediff, comme dans la vraie émission. Hein. On retourne dans le Nord avec une mère qui veut absolument que ses enfants deviennent des stars. Ah, ça je me rappelle. Sauf que les enfants, bah, ont pas envie. C'était plus de la danse, c'était l'obligation. Hein. Si la passion est devenue une obligation. Je suis désolée, à chaque fois tu nous imposais les répétitions, c'était tel et tel jour. Hein, on n'avait plus de temps à nous, je suis désolée. Et puis moi j'ai peut-être envie de me consacrer à mes études. Et puis attends, une passion, pour moi ça reste une passion, ça ne devient pas une obligation. Hein. Ouais. On sent bien qu'on est dans le Nord là. Ouais, quand même. On a bien senti le Nord. Bon, je vous avais pas menti, c'est du bon client du Nord. Hein. Donc après que sa fille lui ait dit ses quatre vérités, la mère se sent obligée de répondre. Mais comme on est dans le Nord, c'est un peu différent. Non, attends, tu vas pas apprendre à moi c'est quoi une passion. Hein. Ah oui. Là on sent plus. Vanessa. Sa mère, ouais. C'est différent, c'est le Nord. C'est le Nord. Bon, c'est le Nord, effectivement. Et dans le Nord, ils ont une vision particulière de la santé. Hein. Tu dis, faut pas arrêter. Machin truc, mais je me regarde quand j'ai eu mon accident de vélo là avec mes deux plates, tu m'as quand même fait danser. Des fois, ça a un peu exagéré quand même. Et alors, t'as eu beaucoup de mérite en plus. Bah ouais, mais peut-être, mais des fois, on a l'impression que tu préfères faire passer la danse et après la santé. Disons, comment. Ouais, t'es dans la merde, ouais. La santé, ça dépend quoi? Attends, t'as pas un cancer non plus, hein. Oh, la violence. T'as fait danser sa gosse avec deux bras dans le plat, quoi. Grave, mais ça va, elle a pas le cancer. Ouais. En plus, je sais pas ce qui est le plus dur, hein, danser avec un cancer ou avec les deux bras dans le plat. Ouais, c'est vrai. Ouais, je sais pas. Allez, après le Nord, on remonte encore un peu. Je danser avec les deux bras dans le plat, moi. Ouais, moi aussi. Ouais. On remonte encore un peu en Belgique chez Alain et Jacqueline. Enfin dit. Et après le lave-vaisselle. Pourquoi tu crois qu'elle a pas un lave-vaisselle? Moi, j'en ai un bon de lave-vaisselle. Ah oui, il s'appelle Jacqueline. Il range même la vaisselle, lui. Donc le lave-vaisselle que je vous avais déjà diffusé, donc on peut s'attendre à ce qu'il ait une vision de la place de la femme très personnelle. Ouais, voilà. Sûr qu'elle n'est pas personnelle, je dois avoir plus ou moins la même. Ouais, il y a des chances, écoute. Et puis pour moi, je regrette, une femme, c'est à la maison. C'est pas à se balader à la rue quand on voit tous les jeunes, mais non, ça se balade, ça se pomponne, ça fait pas bouffer à leur mari, ça fait pas leur lessive. Faut pas exagérer, hein. Moi, une femme, c'est à la maison, casserole. Ça ferme sa gueule. Tu vois, ça, c'est un homme, un vrai. Arrête, parlez-vous. Oh, c'est abusé, femme. Là. Ouais, c'est ça. Bon, allez, il arrive de pire en pire, le Alain, justement, hein, puisque pendant qu'il bricole, il demande à sa charmante femme de lui faire un café, mais il en a marre d'être prise pour une conne. Voilà. Merci. C'est gentil. Il dit merci. T'as pas l'impression que parfois tu me prends pour ton chien, toi? Non, parce que mon chien, quand il fait pas ce que je veux, je donne des coups de pied au cul. Ah, il est sans pitié. Il est énorme, ce mec. Mais voilà. Attends, t'as vu, plus il parle mal, plus elle s'occupe de lui. Oui, mais donc, c'est fou, hein. Ouais. Comme quoi, vaut mieux être un salaud avec les meufs pour les garder. Hein. Ouais, ça je te confirme, c'est vrai. Bon, bah voilà donc pour Confessions Intimes. Enfin, ouais. Je plaisantais bien évidemment quand je disais que c'était vrai. Ouais, c'est bien. Non, parce qu'après on va encore dire oui, mais il a validé ce que cet abruti a dit. Non, c'est pas le cas du tout, c'était l'humour, bien sûr. Hein. Bon, voilà donc Confessions Intimes qui revient très très vite, on l'espère. Hein. Ah ouais. Oh là, dans un mois. Hein. Ouais, je sais, ça va être long à attendre, mais bon. Bon, dans un instant, on fera Bandy Row et puis on aura aussi le chéri, je t'ai fait cocu et le Mac qui arrive ici une demi-heure. Bougez pas de là. Ciao, c'est Silvio Berlusconi. Moi aussi, j'écoute Michael. Parce que c'est sympa. Du dimanche au vendredi. 21h minuit. C'est sympa. C'est comme ça l'Italie. Et c'est Silvio qui le dit. Ah oui, c'est comme ça l'Italie. Et retour de l'émission sur Énergie, comme tous les soirs. Vous lâchez vos messages au 612 et sur mikl.fm. 612 en débutant par, par Énergie. Ça va, calme-toi. Tu vas jouer. Reste calme, Larousse. Reste calme. Bon, Bandiro, donc, qui est à gagner comme tous les soirs de cette semaine. Avec la console, la Xbox 360, avec tous les accessoires qui vont avec, bien sûr, la batterie, la guitare, le micro et le jeu. Accessoirement, ça peut servir. Sur Xbox 360, pour jouer, il y a Fanny, Yannick et Erika. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. Bon, tant mieux. Alors Fanny, t'as 17 ans, t'appelles du 95 et tu veux jouer avec qui? Avec Mickaël. Ah, à quel niveau? La batterie. Parfait. J'ai déchiré hier, j'ai gagné à ça. Juste parce que t'as été bon hier, maintenant tu vas jouer à la batterie. Non, hier il n'a pas été bon, le niveau était très facile. Oui, hein. Peut-être, mais j'ai gagné. Ouais. C'est tout ce que je voulais dire. C'était quoi hier? Une grosse performance. C'est tout ce que c'était. Spice Girls. Ah oui, ah bah bravo, t'as été bon sur Spice Girls, bravo. C'est dur les Spice Girls. Parce qu'il a grandi avec cette chanson, donc il la connaît bien. Tu parles. Bon, de l'autre côté, Yannick, 25 ans, du 40. Salut Yannick. Salut toute l'équipe. Ça va? Salut. Ça va. Bon, tu veux jouer avec qui? Ah, je voudrais jouer à Vélo Roux. Vélo Roux. Ah, déjà, normalement, c'est Ave Maria. Voilà, Ave Maria, tout bon, à fait. Ouais. Et le Roux qui sera où? Au micro. Oh là là. Ah non. Mais vous n'avez pas compris qu'il chantait mal. Non, il est bon. Le Roux, c'est le meilleur chanteur que je connaisse. Tu parles. Après moi, bien sûr. Tu parles. Il y a beaucoup de succès, Roux. Ouais, bon. Il est passé à côté d'une carrière, là. Ouais, bah tant mieux. C'est la confiance. Je vais faire la Tempax Academy. C'est un vrai truc qui existe. Ouais, ça existe. Et pour finir, c'est quoi? La Tempax Academy, c'est pour apprendre à être un bon Tempax. C'est vrai, c'est leur nouvelle campagne de com à Tempax, je crois. Ah ouais, bon, c'est, il y a des petites vidéos sur le web qui traînent. Ah bon. Bon, bah cherchez si vous avez un petit peu de temps à perdre. Par contre, pour tous les pervers, j'annonce, ils s'enfoncent rien dans le. Non, bah c'est sûr. Enfin, encore. Bon, Erika, pour finir, du 59, qui va jouer avec qui? Avec le Jimi Hendrix d'énergie, Jack. Avec Jack. C'est Jimi Hendrix d'énergie. Ouais, on va pas s'enflammer non plus. Jimmy hein, au niveau de la guitare. Très bien. Bon, bah, je propose qu'on s'installe alors. Hein. Ah bah, allez. Alors donc, Fanny, tu m'as choisi pour la batterie. Yannick, t'as choisi le roux au micro. Et ouais. Erika, t'as choisi Jack à la gratte. Allez, je m'installe. Allez, roux. Allez, roux. Alors. Attention. Ah, je t'éloigne du micro, attends. Allez, sois bon, Mickaël, sois bon. Ouais, mais attends, parce que t'as le roux avec son fil là, qui va me déranger là. Bah, il peut faire le tour. Chauffe ta voix. Eh, roux, tu vas me déranger avec ton fil. Bah, ouais, le roux triche pas. Attends, il va pas tricher, il chante. Ouais, on y va. Allez. Ah ouais, je suis allez. Allez, on est prêt là. Attendez, j'ai pas mis la pédale dans le bon sens. Ok. On est bon? Yeah! J'ai pas la même chaise que oh, arrête un peu. Je suis peut-être un peu galéré. Allez, roux. Allez, on y va, c'est quoi? Ah, c'est Paralyzer quand même. Figure 11, Paralyzer, yeah. Parfait. There we go, man. I'm the new singer. Ouais, bien. Ça va être bon, ça. Allez, roux. C'est pas très compliqué, Mike, hein? Ça va très bien. Mickaël, roux, bleu. Oh la catastrophe. Là ça va compliquer après là. Ouais, parce que pour l'instant c'est simple quand même. Hein. C'est parfait. Mike, tu galères là. Le bleu, Mike. Le bleu, tu ne calcules pas. Vas-y, bleu, vert. Et normalement, les musiciens doivent s'adapter à la voix. Hein. Mais là non, pas dans celui-là. Comment c'est facile. Ah Tu devrais essayer le heavy metal. Oh, il a plus de voix, ouais. Par contre, Mike, tu t'es pas emmerdé, quoi. T'as pris plus simple, en fait. Hein. Il y a que deux couleurs. Mais non, il y a que deux couleurs depuis tout à l'heure. Ah ouais. Il a que ça. Rouge jaune, rouge jaune, rouge jaune. Tu vois? C'est entre le chanteur roux, hein, et Jack. Allez, bien. Eh, je suis galéré à cause de ma montre, en fait. Ouais, c'est ça. C'est vrai. C'est ta montre. Ouais. Non, ah, c'est vrai, avec la vibration, ça rentrait dans, bon, dans la main. Pourtant, hier, t'avais ta montre quand tu jouais. Ouais, je sais, mais c'est pas pareil. Eh bah non, c'est pas pareil, t'as perdu. Oh non, c'est lui qui a gagné, c'est Mike. Mais c'est pas possible. Mais franchement... Attends, roux, il avait juste deux couleurs. Il avait rouge et jaune. Il avait que ça, rouge et jaune. Ah ouais, ouais. C'était une fois rouge, une fois jaune. Le meilleur. Non, je l'ai fait sans l'entendre la musique, donc c'était très galère. T'avais pas de casque? Non. Ah oui, c'est plus chiant, ouais. Par contre, je me demandais un truc. Jamel Debbouze, il peut pas jouer? Non. Si, il peut chanter. Si, il peut chanter, son moignon. Voilà. Donc c'est bon, bravo, bravo, bravo à Fanny, tricheur, ah ouais, bravo. Cool, à... J'ai pas triché, j'ai gagné. Oui, bah, comme d'hab, tu triches. Non. Alors juste un truc, excusez-moi, c'est vrai que je n'ai pas été très très bon parce que il y a un moment je suis parti en couille, j'ai eu du mal à me rattraper. Bon voilà. Non mais j'ai c'est honteux, là t'aurais dû avoir 100%, Mike, t'avais deux couleurs. Attends. Et il faut savoir aussi que c'était peut-être Jack et Roux qui étaient pas très bons. Moi j'étais pas bon non plus, mais j'étais moins mauvais. Qu'est-ce qu'ils avaient eux? Attends, tu rigoles à ça? Ah ouais, bah t'as bien choisi donc. Je pense que dans l'engagement j'étais au top. Si je puis me permettre, j'ai rien. Je dis de rien. Hein. Ouais, on m'a dit tu fais la batterie, je fais la batterie. Ah, c'est ça. Alors voilà. Bon. Je veux bien faire la batterie moi sur cette chanson. C'est gagné, Fanny. Je te fais des gros bisous. Bah merci beaucoup. Et tu repars donc avec le pack Xbox 360 bundle. Et tu vas kiffer. Tu vas te faire des pures soirées. Moi je te le dis. Hein. Ouais. C'est génial. Salut Fanny. Merci. Salut Yannick, salut Erika. Ouais, ciao. À bientôt, salut. Ciao à vous et bonne nuit. Bon bah très bien, bah voilà, bonne chose de fait. On remettra le couvert tout à l'heure, Band Hero bien entendu. Et puis on va se faire maintenant un petit chéri, je t'ai fait cocu avec Nat 24 ans de Reims qui est là. Comment ça va Nathalie? Ça va bien. Ça va bien. Je suis un peu stressée. Mais il faut pas, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Non, bah non, on va se marrer et tu vas perdre mon mec. Rien de grave, quoi. Ok, c'est quand même pire. Donc, non, mais ça... C'est l'équipe aussi. Ça va mal se passer. Salut. Comment? Oui, bonjour à toute l'équipe. Très bien, mais Toff s'en branle puisqu'il parle, il est en train d'écrire un texto. Pas du tout. Non, il allait faire un sudoku. C'est Loki, ouais. C'est encore pire. Bon, alors, Nathalie, on va appeler donc ton mec pour le chéri, je t'ai fait cocu. Petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là l'année dernière. Donc, on appelle ton mec, tu lui fais croire que... Tu l'as trompé, en l'occurrence avec moi, ou peu importe. Et donc, au plus il s'énerve, au plus tu gagnes des cadeaux. Okay. Sauf s'il pleure. S'il pleure, tout est perdu. Ah oui, bien sûr. Parce qu'à la différence de la prod de Secret Story, nous, on a une morale. Oui, petite. Mais hein. Il va y avoir mauvaise, parce qu'en fait, ce matin, on a acheté un appartement ensemble. Ah, c'est bien, parfait. Ah oui, bah c'est, oui, bah, là, c'est bien. Là, c'est et bien. Donc voilà, c'est vraiment le jour où il est tout content. Ah, ouais, bonne nouvelle. On a signé pour l'appartement. J'ai testé le lien avec un autre. Ouais, dans la nouvelle chambre. Mais c'est j'ai parfait. J'ai une bonne nouvelle, on aura un colocataire au début. Alors, en deux mots, comment ça va se passer? Donc on est censé s'être rencontrés où, tout ça? Je suis infirmière en fait. Donc, Très bien. Je pensais voilà, qu'on se serait rencontrés aux urgences. D'accord. Et il t'aurait démonté entre deux Baxter. Ouais, voilà, il y a genre un mois et demi, un truc comme ça. D'accord. Et ouais, voilà. Ok, donc je suis médecin, enfin je suis infirmier aussi ou je suis patient? Non, patient, je pensais que c'était plus... D'accord, ok, très bien. Pire. Bon, comment s'appelle Georges comme tu Georges, veux, non, comment pas. Il s'appelle dans Urgence, Georges Soulet.

Bon, allez, on y va. La sonnette. On le rappelle. Attends, non, on fait pas la sonnette. Ils connaissent sa sonnette. J'espère. Ah ouais, on va taper. Tu connais pas la tienne ? On va frapper à la porte, c'est mieux, ouais. Bon, allez, on y va, on le rappelle. Nat, tu dis, mais enfin, je comprends pas pourquoi tu me raccroches au nez et tout, t'es fou, c'est pas si grave. Dis-lui, point positif, on l'a quand même signé et tout. Ouais, c'est qu'un coup de bite. Allô ? C'est mon cœur ? Quoi ? T'es où ? Bougez pas, j'arrive. Non, mais attends, calme-toi. Non, mais y a pas d'attente, putain, je me casse. Mais y'a moyen de péter, chou, c'est pas si grave. Putain, je me casse le but 14 heures par jour pour ce putain d'appart, et toi, tout ce que je trouve à faire, c'est tomber en l'air dans mon appart avec un Georges. Ah, il avait pas kiffé, genre. Mais j'ai ma vie, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Bah, je sais pas, un god, je sais pas, moi. Putain, il y a des queues partout si tu veux compliment des trucs, mais pas dans mon app. De toute façon, j'arrive. Son problème, c'est l'appart. Calme-toi. Non, mais ça sert à rien de venir. C'est dans cet état-là, non, ça sert à rien. Bon, alors, on va faire la fête. Je vais me faire un peu peu, ton jour. J'en ai fini pour 30 ans, là. C'est bon, c'est pas. Il y a des choses plus solides dans la vie, quand même. Oh, Nat, ça va, vas-y, raccroche, là. Je suis bien avec mes potes, en plus, là. Putain, mais vous êtes combien, là? C'est-à-dire que là, on s'est fait une petite semaillère improvisée. Allez, vous avez la porte depuis aujourd'hui, c'est ça? Ouais, c'est ça. Allez, je fais péter le champagne pour ça. Je me suis dit, Bah à la limite, va nettoyer les vitres là, parce que moi, c'est où là, je vais arriver. Attends, mais on s'en branle de ce que le change trouve, mais putain, c'est quoi le délire? Fred. Allô. Allez, parti nettoyer un petit accident grave. Mais dégage de là, t'es qui toi? C'est Georges. Je vais te faire un peu, je vais te retourner, tu bouges pas, t'as intérêt à te dégager quand j'arrive. Attends, mais j'ai une bouteille de champagne, on va fêter la signature là. Passe-moi ma femme. Hein? Passe-moi ma femme. Je peux pas, là, nettoie là. Attends une seconde, non mais je peux pas aller toi, je te dis. Tu me passes ma femme. Attends, on fait péter le champagne un petit coup. Mais je prends même pas avec ton champagne, je te fous dans le cul, tu me passes ma femme. Ah bah non, c'est-à-dire qu'on va te faire péter le truc là, la signature. Écoute, combien du coup, je vais t'expliquer gentiment. C'est Georges, moi c'est Georges. Ma femme. Ouais. Je te jure que quand j'arrive, je te refous la gueule en travaux. Alors tu me passes ma femme, pétard. J'ai fermé la porte. Hey, t'es vrai, y a Jean-Louis, il a ramené un coq. C'est quoi, c'est le coq le coupable de la vie. Bon attends, Nat, bon je te le repasse dans ce monde là. Merci pour les le verre par terre. Mais putain, mais c'est pas grave. Nat, ouais, je te jure, j'arrive. Viens, attends, la bouteille. Il y a plein de gens, on va faire la fête, ça va être cool. Oui bah 5 minutes, je suis là. Je suis là 5 minutes, je commence un peu à boire là. Ouais, donc, écoute, merde, la bouteille. Bougez pas, les gars. Vous voulez de la fête? Bon, on va pas de la fête. Bougez pas, putain. Eh, il peut pas ramener une bouteille de rosée? Oh là, il a raccroché. Il a l'air tendu du cul, quand même, hein. Oui, ouais, il a l'air assez vénère. T'as vu comment il est vénère, là? 30 ans. Sur, si tout se passe bien, 80. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est ça, 30 ans. Voilà. Sachant que tu ne le trompes qu'une fois tous les 3 ans. Bon, ça fera 10 fois. Mais 10 fois, ouais. Voilà. Bon, alors, on le rappelle une dernière fois parce que j'ai peur qu'il nous fasse un infarctus. Non mais c'est vrai. Alors, ils viennent signer. Là, note. Nathalie, si je puis me permettre, normalement, quand on signe un prêt, il y a les assurances vie. S'il nous fait un infarctus ce soir, tu dois pas payer la moitié de l'appart. Ah non. Eh, tout bénef. Ouais. Bon, je prends arnaquons l'assurance en direct à la radio. C'est pas grave, il est mort. Hein. Tuons-le. Voilà. Non, allons, parce que là, à ce moment-là, il y a fraude et tout. Enfin, attendez, je gère, hein, Nath. Quoi? Oh Fred! Quoi? Bon vas-y mec, viens faire la tente avec nous là! Ouais, bah bouge pas, c'est chaud! Allez. Bon Fred! Fred, reste calme! Quoi? T'es tout près de l'appartement là? Ouais, je suis à 2 minutes là! Bon! Je suis à 2 minutes! Bon vas-y! Change de camion! Non, non. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Bon, Fred! Putain, je vais me réveiller, c'est pas possible! Fred, bah non, t'es déjà dehors là! Fred! C'est quoi qui me rend fou? Mais Fred! Quoi?

pas mal de temps. Récemment, 48 heures. 3 jours. Ah oui, parce que c'est bizarre. Ouais, 48 heures. 48 heures, effectivement. Qu'est-ce que je vais dire? Oui, donc si vous voulez vous inscrire au Chéri, je t'ai fait cocu, qu'on refera bien évidemment en direct dès demain soir à partir de 21h. 612, débutez votre message par énergie. Et puis, vous mettez énergie, puis vous mettez cocu et votre numéro de téléphone. Dans un instant, le Mac du jour. Et puis en attendant, on se fait Lady Gaga maintenant avec Paparazzi sur énergie. Le son de Lady Gaga à l'instant sur Énergie, c'était Paparazzi. Bon, il est puis l'heure là, on va pouvoir taper directement dans le mag. Bienvenue dans le mag du jour. Ça va lui faire mal quand même. Condensé quoi ? Ça va lui faire mal si on tape dedans. Ouais, je sais. Ouais. Pauvre de l'actu condensé, notre sauce, on perd pas de temps et on démarre avec les titres du jour. Vous le savez peut-être pas, mais c'est la guéguerre à gauche entre Ségolène Royal et Vincent Payon après que celle-ci se soit pointée à un meeting de Payon auquel n'était pas invité. Vincent Payon l'avait donc vivement critiqué dans la presse. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car maintenant c'est au tour de Ségolène Royal de contre-attaquer. Elle l'a tout simplement radié de son mouvement. Et oui, Martine Aubry, la première secrétaire du Parti Socialiste, a donc été invitée à réagir sur ce sujet. Il a répondu au journal de France 2 en disant, je cite, je ne préfère pas voir ça. Ouais, bah on la comprend, hein. Moi aussi je ne préfère pas voir ça. Oh, genre, en quoi ça t'intéresse ces embrouilles du PS? Ah non, moi je parlais de Martine Aubry. Hein. Bon, Ségolène, toujours, c'est sur le plateau du Grand Journal de Michel Denisot hier soir que Ségolène Royal annonçait vouloir faire le ménage au PS. Ah bah si elle fait le ménage, faudra me virer le tas de fringues pourries qui traînent à chaque fois devant les caméras. Hein. Ouais. Non, toi, ça c'est un corps, Martine Aubry. Et puis c'est toujours la mère de chez Orange, évidemment, après qu'un abonné au forfait internet illimité, entre guillemets, hein, bien sûr, 3G, ait reçu une facture de plus de 45 000 euros. Deux nouveaux cas de surfacturation ont été relevés hier. L'un a reçu une facture de plus de 39 000 euros et l'autre 159 212 euros pour un mois de connexion internet. Oh là là. Évidemment, les abonnés en question n'ont pas les moyens de payer. Hein. Ah ça y est, donc maintenant que leurs salariés vont un peu mieux, ils s'en prennent à leurs clients. C'est pas ce qu'on appelle le marketing viral. Attends, mais t'es chier de dire que les salariés vont un peu mieux, hein, parce que je suis pas sûr, il y en a quand même un qui s'est foutu en l'air il y a quelques jours. Ouais, c'est vrai. Si, ils vont mieux. Attends, il y en a qu'un qui s'est suicidé en un mois. Ouais. C'est vrai. En tout cas, les clients d'Orange sont verts. Oh là là, c'est nul. Allez, on passe à autre chose ou pas. C'est l'heure maintenant du con du jour, Jack. Oui, du con du jour, Jack. Merci, ça fait plaisir. Oui, de Jack, quoi. Mes cons du jour sont canadiens et sont des hommes politiques. Ah, il y en a aussi là-bas des cons. Ouais. En fait, tout se passe pendant un dîner réunissant des députés, des parlementaires, bref, des mecs qui gèrent le Canada, quoi. Ouais. Bon, et là, t'as l'un d'eux qui reçoit un texto sur son portable et le message disait. Mort de Thatcher. Pour ceux qui ne savent pas, Margaret Thatcher, c'est une ancienne première ministre britannique. Ouais, de fer, quoi. C'est ça. Bon. Et donc là, le mec prévient tous les hommes politiques présents au dîner. C'est un peu la panique. Et du coup, il décide d'appeler à Londres, au Buckingham Palace. Pour Buckingham Downing Street. Non, c'est pas pareil. Buckingham Palace, c'est pas au Tendonin Street. Ah oui, non. Tendonin Street. Ah, c'est en face. Ah bah non, c'est le Parlement. Oui, Tendonin Street, c'est le Parlement. C'est l'Elysée anglais, en fait. Buckingham Palace, c'est le palais royal. Oui. D'accord. Moi je pensais que c'était la même chose. Ouais, non. On n'est pas Google. Hein. Bref, ils appellent là-bas pour être sûr que Margaret Thatcher est bien morte. Et là, comme on pouvait s'en douter, les Anglais disent bah non, Madame Thatcher est toujours vivante. C'est quoi alors c'est passé? Bah ouais, en fait, le mec qui a envoyé le texto est le ministre des Transports canadiens qui a un chat qui s'appelle Thatcher. Ah. Ouais. Et comme il était triste, il a envoyé un texto à un de ses amis qui se trouvait au dîner. Ah, c'est marrant ça. Ouais. Je vais appeler mon chat Sarko, moi. Bah, c'est un beau con du jour, mais merci Jack. Je t'en prie. Allez, sport maintenant et un peu justice aussi. Rappelez-vous de Basil Boli. Il avait inscrit le but de la finale de la Ligue des Champions avec l'Olympique de Marseille, Rouen. Eh oui, c'était le Milan AC. Et bien, l'ancien joueur de l'équipe de France de football a été placé en garde à vue mardi matin. Il est entendu depuis hier dans le cadre d'une enquête préliminaire pour abus de confiance. Alors, va-t-il ou non finir en prison? Bah lui il s'en fout, c'est un footballeur, il s'y connaît en gardien. En plus il s'y connaît en interrogatoire, il a pas balancé quand on l'a interrogé sur les matchs achetés. Oh, tout ça parce qu'il est marseillais. Bon, et puis suite à la suppression du DIC par l'État. Hein. Ouais, donc le DIC pour ceux qui connaissent pas, c'est une petite combine en fait qui permet de donner plus d'argent aux sportifs sans qu'il n'ait à payer d'impôts dessus. Ça permet au club de recruter des grands joueurs à moindre frais et à se remettre à niveau. niveau sur par rapport aux impôts qu'ils paieraient dans d'autres pays d'Europe en fait. C'est des droits d'image en gros. D'accord, ok. Donc forcément, la suppression de cet avantage est une très mauvaise nouvelle pour les présidents de clubs qui se sont offerts aujourd'hui une pleine page dans le Parisien aujourd'hui en France et dans l'équipe. Objectif, interpeller le président de la République. Une lettre ouverte d'ailleurs à Nicolas Sarkozy qui dénonce la façon dont l'État va plonger les clubs dans les pires difficultés économiques. Ouais. Ouais, en apprenant ça, Sarko il a pris la pleine mesure de cette affaire. En fait, il a dit qu'il ferait tout pour tout ce qui est en son pouvoir pour comprendre et surtout pour retrouver celui qui a ouvert la lettre. Évidemment, voilà. Allez, une petite astuce, une bonne idée, c'est l'heure maintenant du petit truc du jour. Voilà quelque chose qui pourrait vous faire gagner de l'argent si vous n'avez pas peur du froid, que vous voulez gagner un peu d'argent et par l'occasion déguster un whisky sans ans d'âge. Autant joindre l'utile à l'agréable. Oui, oui, oui. Voilà, c'est ça. Ah, ça m'intéresse. C'est dégueu, hein. Bah, c'est ça. Non, c'est dégueu le whisky. Et bien, ouais, surtout le centenage, hein, ça ressemble un peu à l'essence sans plomb. Ah, ah, c'est bien ça. T'as déjà bu l'essence sans plomb? Ouais. D'accord. Non, mais c'est bon. Donc, bref, faites donc comme cette compagnie de Nouvelle-Zélande qui a été envoyée dans l'Antarctique afin de retrouver un stock de bouteilles de McKinley & Co. C'est un stock de whisky laissé après une expédition en Antarctique en 1909 que des experts doivent extraire de la glace. C'est pas mal quand même. Pas mal, putain. Et donc d'après la compagnie, le whisky serait encore buvable et devrait avoir le même goût qu'il y a 100 ans. Alors chaussez vos bottines fourrées, achetez-vous des chiens de traîneau, chargez vos skis et direction l'Antarctique, bien sûr. Faut y aller, quoi. Et ouais, bien sûr, évitez de consommer le précieux breuvage sur place pour vous réchauffer. Ça fait cher quand même. Ouais, hein. Ouais. Putain. Au niveau du breuvage, ça fait quand même cher. Voilà, c'était donc le petit truc du jour. L'autre petit truc du jour qui reviendra bien évidemment demain soir, comme d'habitude, à partir de 23h. Passons maintenant au petit quiz du jour. Quiz de ball. J'attends Pedro, il arrive. Est-ce que tu l'as pas? Bah non, il avait oublié. Un problème par jour avec ce quiz people. Catastrophe. Il avait oublié de me le descendre, mais c'est bon, là, il est remonté. Il court. Je t'aurais bien demandé, c'est quoi la pile de DVD que t'as là? Bah rien, c'est une pile de DVD que j'ai reçue, et donc c'est cool. Je remercie Caroline d'ailleurs qui m'a envoyé ça. Bon, on y va. Tu viens d'où? Elle aimerait bien que tu le dises. De la Warner. Merci à Caroline de la Warner. Bon, on y va, donc on va faire le quiz people maintenant. Qui a dit Miss France n'est rien sans moi, c'est un élixir. Ouais. Il n'y a pas de raison que j'arrête, sauf si on met de la morora dans mon café au lait. Et tout le monde a perdu puisqu'il faut attendre que je termine. Donc c'était Geneviève de Fontenay. Bah t'as dit on doit dire notre prénom avant. J'ai jamais dit ça. Si, t'avais dit au début. La toute première fois. Il y a 17 ans, oui. Et sinon, elle a dit quoi, Geneviève? Parce qu'elle a dit que si on voulait la faire arrêter, il fallait mettre de la morora dans son café au lait. Voilà. On est heureux d'apprendre qu'elle boit du café au lait. Elle a en gros, c'est dire ça. Ça, par contre. Ouais, ouais, parce que ça va lui arriver vraiment, hein, tu vas voir. On ne souhaite pas, bien évidemment. Bien entendu. Qui a dit je n'ai pas fumé de cannabis? C'est par où? Richard Gasquet. Non. De Joe Star. David Douillet. Non. Cool Chain. Non. Amy Winehouse. Non. Doc Gineco. Non. Bernard Kouchner. Non. Britney Spears. Non. Un acteur? Bah, donne un indice. Alors, l'indice, il l'a sûrement fait disparaître. Ah, David, c'est Copperfield. Non. Non, bah, l'autre magicien. Sylvain Mirouf. Non, Le magicien d'eau. Harry Potter. Non. Harry Potter. L'acteur d'Harry Potter, c'est qui, hein? Comment mais il s'appelle? C'est ça que je cherche. J'allais dire Elijah Wood, mais non. Daniel Radcliffe, surpris en plein fumage de cigarettes roulées. Elle est pour moi celle-là. Hein. Non. Allez, non, on y va. J'ai dit l'acteur d'Harry Potter. Vous aviez pas les deux, vous aviez pas le nom de l'acteur. Qui a dit les films prennent pour une pétasse? Oula. Oh, j'avoue qu'il y en a beaucoup, hein, c'est-à-dire que ça peut être pas mal, ça peut être pas mal de solutions. C'est pas Hilton. Les films prennent pour une pétasse. Bah, Lindsay Lohan. Non. Nicole Richie. Non. Nicole Richie. Elle l'a dit en français ou en anglais? Petit indice, en anglais. Lily Allen. C'est une américaine. Lily Allen. Mariah Carey. Non. C'est quoi l'indice? Plus belle femme du monde. Megan Fox, effectivement, qui en a marre d'être prise pour une allumeuse. Oh, oui. Oh, c'est dur, hein. Ouais, pauvre petite Megan. C'est moins de temps à poil aussi. Bon, allez, voilà, c'est tout pour le Mac du jour. Retour du Mac du jour demain soir, bien évidemment, à partir de 23h. Et puis dans un instant, on va se faire Death Cab for Cutie avec Meet Me on the Equinox. On en a parlé tout à l'heure dans le petit ciné des Mexicains, la sortie de Twilight. C'est la BO de Twilight qu'on écoute juste après ça. Bouge pas. Jack passe le balai dans le studio. Alors charge les nouveaux modèles. Il élimine tout sur son passage. Et Mickaël revient juste après ça. Et le son de Death Cab for Cutie à l'instant, Meet Me on the Equinox, la BO de Twilight qu'on écoutait à l'instant sur Énergie. Et puis, grosse info. Alors attention, c'est tombé, donc c'est. Vous connaissez Kadhafi ? Non. Muammar Kadhafi. Muammar Kadhafi, qui était de passage à Rome pour le sommet contre la faim. Et Rome en Italie, bien évidemment. J'aurais dû te poser la question, Sandro. Ouais. Rome ? C'est où ? En Thaïlande ? Non, c'est dans pas une ça. Bouteille. Ouais, bah, c'est oui, ça. Ouais. Voilà, donc c'est le... J'ai tout bu, il n'y en a plus. Voilà, donc c'est le chef de la Libye, en fait. D'accord. Qui a donc demandé à ce qu'on organise une petite soirée avec 200 jeunes femmes italiennes. Oh, ça va ? Voilà. Ça va, hein. Ça va, hein. Pourquoi ? Voilà. Donc, en gros, c'est. Donc, il avait fait passer d'abord la petite annonce. Il voulait des filles de plus de 1m70, pas de mini-jupe, ni de jeans ou de décolleté. Comment alors ? Mais des talons d'au moins 7 cm. Voilà, ça, c'était les critères de sélection de Kadhafi pour que les filles puissent venir. En fait. Le critère important, c'est quand même au moins 7 cm de talons. Hein. Oui. Alors qu'il voulait pas. Il veut plus d'1m70. Hein, donc, bon, ouais. c'est assez bizarre. Hein. Bah, en fait, c'est juste pour que les meufs soient à sa taille, quoi. Voilà. Et donc, alors, grand étonnement aux filles, évidemment, parce que c'était un truc payant, hein, les meufs, c'est. Ah, c'était payé en plus. Ah oui, c'était dans un. Comment on appelle ça une soirée berlusconienne, quoi. Non, mais c'était une société en fait qui. C'est des hôtesses. Où tu peux louer les hôtesses. Oui, c'est des hôtesses. Ouais. Voilà. Ah oui, d'accord. Ce sont pas des call girls, ce sont des hôtesses. Il avait besoin de. Pourquoi ces meufs ? Bah, alors justement, en fait, les meufs, elles pensaient que c'était. Tu sais, elles seraient invitées à une soirée mondaine, tu vois, un truc à la cool, etc. Elles seraient là pour accueillir les gens, quoi. Eh ben non, elles ont eu droit à une heure de leçon sur l'histoire de l'islam et sur le rôle de la femme dans la société musulmane. Ah, il les a niqués. Voilà. Alors, il a dit : vous voulez faire les putes, vous allez m'écouter maintenant. Ensuite, il a appelé toutes les filles à se convertir à l'islam, promettant même à celles qui franchiraient le cap de les aider à se rendre au pèlerinage à la Mecque, et en plus de 60 euros de cachet, bien sûr, elles sont toutes reparties avec le Coran sous le bras. Oh, quelle sympathie! En général, c'est les hôtesses qui offrent un petit cadeau aux invités. Bah là, non. Là, c'est elles qui ont eu un petit cadeau. Voilà, c'est ça. Elles ont eu un petit Coran de poche. C'est là qu'on voit que le chef de la Libye a de bonnes excuses. C'est vrai. Bon, pour commenter un peu pour commenter cette polémique, justement, nous avons Silvio Berlusconi avec nous en full duplex direct live. Alors, il vient tellement souvent qu'on a installé un studio mobile chez lui. Hein. C'est bonsoir. Plus facile. Bonsoir Silvio. Ah, buonasera, mon frère. Ah, bah je vois que c'est la fête là, dis donc, vous êtes où exactement là ? Ah, moi je suis dans la petite maison que je viens de vendre en Sardaigne. On pend la crémière du nouveau propriétaire. Ah, on dit on pend la crémaillère. Hein. Pendre, la crémaillère. Hein. Ah, quelle crémaillère ? Non, on pend la crémière. Cette pute, elle a vendu du beurre pourri à l'émir d'Abu Dhabi. Alors on la pend. Ça s'appelle un crime ce que vous faites là, Silvio. Oh oui, bah c'est sympa, c'est comme ça l'Italie. Tiens, à propos de cette villa justement là, pourquoi vous vous en séparez ? Bah, c'est à cause de toutes ces photos qu'on a prises à mon insu. Avec les top modèles qui se promenaient à poil. Ça m'a foutu un coup alors. Oui, bah je comprends, ça doit être dur de voir sa vie privée étalée dans la presse comme ça. C'est. Bah non, bah, c'est pas ça, il est con lui. Ah, ça va, c'est juste que ma maison elle est tellement grande que je me suis retrouvé tout petit sur les photos. On aurait dit que j'avais une bite au Lilliputien. Ouais. Ah la honte. Ouais, alors je vais acheter une maison avec un jardin pour petit, il y aura les meilleures photos. Ah d'accord. Mais dites-moi, à ce prix-là, 450 000 euros, elle doit être bien équipée la maison quand même. Hein. Bah bien sûr, qu'est-ce que tu crois ? Je la vends avec 14 poutres en bikini. Oh. Deux pour chaque piscine. Elles sont full option, double airbag frontaux, contrôle technique, ok. Je les ai supervisées moi-même. Ah ouais. Et elles n'ont pas beaucoup de kilomètres au compteur. Ça, c'est la garantie Silvio 3 en 1. La garantie Silvio 3 en 1, c'est quoi ? 3 et 1, non. C'est la garantie que je vérifie systématiquement. Les 3 points de contrôle, un seul outil, 3 trous à vérifier. Ah bon. Oui. Vous êtes au courant de cette histoire avec Kadhafi au sujet des jeunes italiennes qu'il a convoquées pour une soirée ? Ah oui, bien sûr que je suis au courant, c'est moi qui ai fait le casting. Pourtant il a demandé ni mini-jupe ni décolleté, ça a pas dû être évident quand même pour vous de choisir. Hein. Ah oui, c'est vrai, c'était difficile, j'avais jamais organisé de fête avec des filles aussi couvertes. Mais bon, je regrette d'avoir fait ça, c'est pas moral, j'aurais jamais dû le laisser organiser cette soirée, c'est mal. Oui, c'est vrai. Alors n'oublions pas que c'est un dictateur quand même. Hein. Bon oui, mais ça c'est pas grave, c'est comme en Italie. Non, jamais, jamais plus je ne laisserai commettre un forfait pareil. Passer la soirée avec les 600 filles les plus sexy du pays, il en a même pas baisé une. Ah oui, mais enfin, bon, vu comme ça, évidemment, c'est sûr. Hein. Oui, je comprends. Ce con, il a passé son temps à leur parler de l'islam, avec le barbu par-ci, le barbu par-là pendant une heure. Avec toutes ses filles à disposition, il a même pas pensé une seconde à lécher un barbou. Oui. Bon, c'est tout à son honneur, cela dit. Hein. En plus, il les a payés 60 euros pour l'écouter parler. Hein. Oui, bah moi, quand je donne 60 euros à une fille que je connais pas, en général, je le pars avec le pistolet déchargé. Mais enfin, Silvio, c'est pas possible, vous pensez qu'au cul, on dirait pas. Bah oui, bah c'est comme ça, c'est sympa le coup, c'est l'Italie. Ouais, et puis en plus des 60 euros, il leur a offert à tout un courant. Bah oui, mais moi aussi, je fais les cadeaux. Quand je passe la soirée avec une femme, elle le part toujours avec un ministère ou un poste de député européen. Ah, y a pas à dire quand même, vous êtes généreux, Silvio, hein. Bah oui, bah c'est comme ça. C'est sympa, Berlusconi. Bah oui, oui, je sais, oui. Bon, allez, merci, Silvio. Au revoir et bonne soirée, hein. Ciao, arrivederci. Ah oui, ciao, arrivederci, tout ce que tu veux, hein, très bien. Bon, y'a plus rien à faire avec lui, je crois. C'est un ouf. C'est un non, drame. Bah non. En fait, tu t'entendrais bien avec lui, Toff. Mais écoute, j'aimerais bien qu'il m'invite dans ses soirées, mais j'ai toujours pas reçu de carte en invitation. Ah, c'est con, hein. Bah, je suis assez déçu, ouais. Ah, c'est vraiment dommage, effectivement, ouais. Bon, c'est pas très grave, cela dit, effectivement. Et, puisqu'on en parlait aussi tout à l'heure, enfin, non, pas tout à l'heure, c'était hier qu'on en parlait, et on en a parlé aussi tout à l'heure, cela dit, dans le début de l'émission. Vous savez qu'hier, on vous avait parlé de si vous avez, si vous restez 5 minutes que la maison cramait, qu'est-ce que vous sauveriez, etc., etc. Ouais. Voilà, c'est une vraie étude, hein, voilà. Et il y en a pas mal qui ont dit, moi je prends mon téléphone, je prends mon Mac, je prends mon ordinateur, je prends ma télé, je prends ma console, enfin les animaux, plein de trucs, voilà. Et c'est arrivé à un couple avec un enfant, donc l'appart a brûlé, le mari est descendu le premier, à croire qu'il avait prévu le coup, c'est bizarre. Et donc c'est plutôt une bonne nouvelle qu'il soit descendu le premier, cela dit en passant, parce qu'en fait, à un moment, donc ça brûlait. La meuf, donc sa femme et le bébé étaient encore dans l'appart au premier étage. Et puis sa femme qui donc était encore en haut a ouvert la fenêtre et a jeté le bébé pour que le mari le rattrape. Il l'a rattrapé. Ça va. Donc c'est parfait. Heureusement. Ensuite la femme a dit j'arrive et il l'a lâché. Ah, il l'a pas rattrapé. Il a lâché quoi? Bah non, le bébé il l'a déposé, puis la femme il a dit j'arrive. Ah, il l'a raté. Ah bah le régime. Eh dommage. Voilà. Tu vas aller morte aujourd'hui? Non, ça va, elle est à l'hôpital, tout ça, mais ses jours sont pas en danger. Donc, bon bah ça va, elle va faire un beau régime. Hein. Voilà, donc j'ai envie. Elle aura eu le déclic là. Ouais, bah ça c'est faut clair. On cherche tout le déclic pour faire un régime. T'as besoin de ça toi? Elle en a eu. Non, j'ai perdu 10 kilos. Bon, et on vous avait fait imaginer ce que ça pourrait donner chez Chouchou et Loulou. Un gars et une fille. Dans un gars et une fille, on réécoute ça maintenant, écoutez. Loulou ! Hé Loulou, t'as entendu ? Je crois qu'il y a un tremblement de terre. Ah non, c'était pas un tremblement de terre. Non mais sérieux Loulou, tu sens pas comme une drôle d'odeur là ? Je crois qu'il y a le feu Loulou. Ah, cette odeur là, là, non. C'est pas le feu, non. Non, mais Loulou. Oh, casse les couilles, là. Mais je rêve pas, il y a une odeur de gaz, là. Eh ben ça y est, t'as compris, c'est bien. Non, mais là, il y a la cuisine en feu. Oh, putain, il faut faire quelque chose. Vite. Loulou, self-control, il faut rester calme, mais ça va tout se comprendre. Eh, self-control, rien du tout, j'en ai plein le cul, on va encore bouffer trop cuit, chouchou. Elle aurait pas pu t'apprendre à cuisiner, ta mère, non? Pas possible. Aide-moi, Loulou! Faut sauver le chat! Laisse-le cramer, ça nous fera un méchoui! Et aide-moi plutôt à sauver les crampins, dépêche-toi! Et dis-moi, Loulou, t'es allé vérifier si le petit bio troisième avait pas besoin d'aide? Excuse-moi, chouchou, j'ai d'autres priorités là, tu vois, non? Bon, putain, c'est pas possible! Pas moyen de mettre la main dessus, mais c'est où? C'est quoi, où, tu trouves pas nos économies? Oh, mais c'est terrible! Mais non, bordel, je retrouve pas le maillot de l'équipe de France dédicacé par Zidane! Je ne pars pas d'ici sans le maillot de Zizou! On va crever! Bon, alors le maillot de Zizou, c'est bon, j'ai la console, mon PC, mon iPhone. Chouchou! Qu'est-ce que tu fous là? Mais t'es complètement folle, ma pauvre fille! L'immeuble brûle, chouchou! On n'a pas de temps à perdre avec tes conneries! Ah tiens, j'avais oublié l'équipe. Mais dépêche-toi, Loulou! Maintenant, faut y aller! Il va falloir évacuer, monsieur, dame. Je crois que je me sens pas très bien. Oh là là, je te jure, les femmes, quelle chouchotte! Bonsoir monsieur, c'est le SAMU. Tout va bien, vous n'avez pas besoin d'aide? C'est vrai, je me sens pas très bien d'un coup là. Oh, aidez-moi madame. Bah tiens, c'est ça hein, chouchou et Loulou, ça peut être pas mal. Bon, on va revenir dans quelques instants, on va jouer à Bendy Row. Ah. Mon jeu préféré. C'est ça, ouais. Bon, on va jouer à Bendy Rule dans un petit instant. On fera également le question pour une réponse. Et puis on mettra Solis et Gun to Mars tout à l'heure. Avant la fin de l'émission, ne bougez pas de là, on revient dans 3 minutes. J'ai envie du bonsoir, c'est Maître Peters. Quand c'est du soir dans le radio, moi j'écoute Michael hein, de 21h jusqu'à midnight. Hein. Du dimanche au vendredi, 21h minuit. C'est du Michael de 21h jusqu'à midnight. Et c'est Maître Peters qui le dit. Et retour de l'émission comme tous les soirs entre 21h et minuit sur Energy. On se mettra un petit Kings and Queens, 30 Seconds to Mars tout à l'heure, le groupe de Jared Leto qu'on recevra d'ailleurs. Ce sera début décembre, le 4 je crois que c'est le 4, là, le jour de la sortie de l'album, du nouvel album de Jared Leto et de 30 Seconds to Mars. Donc ce sera This is War, mais on aura l'occasion de vous en reparler c'est la guerre. Un petit peu plus tard, évidemment. Bon, on va se faire le question pour une réponse. Ah. Allez. Allez, Josiane la tricherie est prête? Non, pas du tout. Parfait. Je ne triche pas ce soir. Ça fait 3 mois que je ne triche plus. Non, 3 heures. Bon. Sandro ne triche jamais. Oui, je suis là, Julien, t'inquiète pas. Bon, on fera aussi Bendy Row tout à l'heure. Si vous voulez vous inscrire pour choper d'ailleurs les places pour jouer avec nous à Bendy Row, 6 11 12, débutez le message par Energy, puis vous mettez Hero avec votre numéro de téléphone. Et rassurez-vous, si vous n'avez pas de place pour ce soir, on fait encore le jeu demain et vendredi. Voilà. Bon, pour jouer aux questions pour une réponse, il y a Eric qui est là, 16 ans du 77. Bonsoir, Eric. C'est nickel, salut toute l'équipe. Comment salut mec. Ça va? Salut Eric. Ouais. Bon, tant mieux, bienvenue à toi Eric. De l'autre côté, Mariem qui est là, 23 ans du 67. Salut Mariem. Salut tout le monde. Comment ça va? Salut. Quel beau prénom. Ça va. Bon, bienvenue à vous deux. Nous allons jouer à question pour une réponse. Eric, tu veux jouer avec qui? Toff. Avec Toff, très bien. Et Mariem, tu veux jouer avec qui? Avec Roux. Avec Roux, très bien. 2 jours de suite que Sandro est out du question pour une réponse. Ça m'arrange, parfait. Ça m'arrange. Ah bah moi aussi. Oh, c'est non, il faut reposer un peu. Oui, c'est ça. Se reposer de la triche, trouver des nouveaux filons pour tricher, etc. etc. Ouais, c'est ça qu'elle doit se reposer. Ouais. Bon, en tout cas, moi, ça me fait un repos. Tu vois, parce que d'habitude, j'ai les yeux qui vont en haut, à gauche, à droite, les oreilles, tout le bordel, j'en peux plus, quoi. Il reste plus qu'un jour, et puis t'auras le sexy quiz, enfin le fuck. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Et tu seras tranquille. C'est vrai qu'il reste plus que demain où je dois encore éviter que Sandro joue, et après, on est tranquille. T'es mignonne, Roux, avec ton sac à main. Je te remercie. Je suis en train de taper dans celui de Sandro. C'est marrant, c'est comme si c'était celui de sa mère, parce qu'il fouille dedans et tout. Ouais, et puis hop, je peux voler de l'argent, comme chez ma mère. Ah bah, chez Sandro, ça m'étonnerait. Hein. Ouais. À part en voler des dettes. Du make-up. Je sais pas ce que tu vas pouvoir voler. Soit dit, tu peux voler ses dettes, hein. Non, ça va. Tu les rembourses, c'est très sympa. Et puis voilà, la cool, quoi. Non, parce que je pense que même les chèques arabes peuvent pas rembourser ces dettes-là. Bon, allez, Eric, Mariam, on va jouer maintenant aux questions pour une. Bonsoir à tous, installez-vous confortablement. Voici le rendez-vous incontournable des têtes bien faites et des cerveaux en folie. Question pour une réponse. Attention, ça va commencer. On monte le son. Voilà, question pour une réponse. On va donc jouer maintenant. Eric, tu joues avec Toff, je te le rappelle. Mariem, tu joues avec Leroux, je te le rappelle également. Et eh bien, j'ai envie de vous dire bonne chance. Le premier qui a la bonne réponse donne son nom bien fort, d'accord? Ok, ouais. Ok, allez, c'est parti, attention. Première question. Top, je suis né le 23 novembre 1966 à Paris et je suis acteur, réalisateur ou encore producteur français. Rassurez-vous. Non, rassurez-vous, je ne suis pas le seul de ma famille à être célèbre et talentueux puisque mon père, Jean-Pierre, est aussi acteur. Benjamin Castaldi. Non, est aussi acteur, oui. Moki. Non. Ma mère Sabine est journaliste et mon frère Mathias est le leader d'un groupe de rap. J'ai joué dans de nombreux films tels que L'Appartement où je rencontre ma femme Monica, même aussi actrice. Oui, Roux. Vincent Cassel. Bonne réponse. Ah, j'allais le dire. Elle aussi, l'acteur préféré de Polo. Oui. Exactement. Et de mais attends, il a mis Polo, il a mis dans sa chambre, il a mis des posters de Vincent Cassel. Oui, avec des fléchettes. Bon, elle est aussi actrice ou encore dans Ocean's 12 et 13, mais aussi dans La Haine et le dernier en date, Mesrine. Je suis l'acteur préféré de Polo, comme je le disais, puisqu'en m'invitant chez lui, j'ai découvert bon nombre de posters de moi nus dans sa chambre. Tu vois, en plus, il a mis à poil ce cochon. Patrick Bruel m'a dédié une chanson qui s'appelait Cassel la voix. Qui a écrit cette vanne, Pablo. Je suis donc Vincent Cassel. Allez, deuxième question, pour l'instant, c'est Eric et Toff qui mènent. Non, c'est Roux. Oui, autant pour moi, effectivement, c'est Roux et Mariem. C'est ce que t'as dit. Parfaitement. C'est exactement ça, Roux et Mariem qui mènent. C'est ce que t'as dit, Mac. Deuxième question, vous êtes prêts? Prêt. Oui. Attention. Ta Cap, je suis né en 1932 aux États-Unis et dès mon plus jeune âge, on m'a qualifié de simplet et on m'a même dit que j'étais stupide mais que j'avais un bon fond. J'ai été l'égérie de la grande marque de sport aux trois bandes quand je fus jadis un sportif. On dit de moi que je suis un fou, un malade, un barge, un fada, bref, Tof. Un dingue quoi. Oui. Agassi. Non. Mon nom, j'ai 32. Mon nom se termine par O comme Zorro, Josiane Balasco ou encore Julie Lescaut. J'ai de grandes oreilles, un grand corps, des grands pieds, mais pour ne pas choquer les plus petits, on ne dira quoi, pas si oui ou non en dessous de la ceinture. J'en ai. Non, c'est mauvaise réponse. J'en ai une grande, même si. J'en ai une grande, évidemment. Je suis un chien avec les chiennes. En même temps, je n'ai pas trop le choix car je suis vraiment un chien. Dans les rues de Marne-la-Vallée, je traîne avec mon pote Mickey. Plutôt. C'est non. De mon pote Donald. Dingo. Dingo. Bonne réponse. Il n'avait pas le droit de répondre. Pourquoi? C'est à moi de proposer. Non mais attends, cette ça règle fait là. Bien longtemps qu'on fait plus cette règle. Écoute-le, l'autre là, il revendique. Bah oui. Il n'avait pas le droit de répondre. Ça fait 10 minutes qu'on l'entend pas, tu sais. J'avais la réponse en plus. Oui, bah c'est normal, il l'avait donné en anglais. Non, non, non, plutôt et dingo, c'est pas, c'est pas les mêmes. Moi. Ah, je croyais que c'était le même, ouais, c'est chien jaune. Non, je pense pas, non, je pense alors, c'est quoi la différence? Non, non, non, c'est pas les mêmes. Je t'entends pas, Paulo Vieille, c'est ouais. Ah, plutôt, c'est l'ami de Mickey. Voilà, c'est et, ça. Et dingo, c'était dans un autre truc, c'est ça. Plutôt, c'est le chien de Mickey. Ouais. Il parle pas. Et dingo, c'est un être à part entière. Voilà, c'est ça. Enfin, c'est un. Mais ils sont tous les deux jaunes avec des grandes oreilles. Non, non, non. Dingo, il est habillé. Plutôt, non. Ouais. Ah, c'est un vrai chien, c'est un peu bizarre. Un peu un con, ouais, avec des grandes oreilles noires, mais toutes fines. Exactement. Ça ressemble un peu les deux, faut dire la vérité. D'accord. Alors, ouais, ils ont un air, de famille. Et non, ils ont peut-être couché ensemble. Non. Si, ils habitent à Lille. Ah, c'est un argument. Je m'en vais alors. Bon, allez, troisième et dernière question pour l'instant. Attention, vous êtes prêts? Prêt. Attention. Top, si on rajoute et à mon mot, je peux être un liquide qu'on boit à la fin dans les restaurants, dans certains restaurants, dans le langage de la rue, on m'appelle. Oui. Café. Non. Dans le langage de la rue, on m'appelle que le roux m'utilise pour mettre ses affaires facile. Dégueulasses qui puent. En Belgique, je suis un demi-dieu car je peux transporter les patates qui finiront en frites dans vos assiettes. Je peux être à dos. Mariem, non. Je peux être ado, celui qui dit lunch, je le couche évidemment. Je peux contenir du riz et être également de voyage et de merde quand on parle de Toff, malheureusement. Roux. Malheureusement, quand on vient dans un supermarché. Un sac. Un sac, bonne réponse. Merci Sandro. Je te jure que j'ai rien dit. Non, vraiment, faut vraiment être con pour pas trouver, hein. On me prononce. Bah, tu l'as trouvé, t'es pas con. Oui, mais j'ai mis du temps. Casse. Cool, Toff, hein. Je ne suis pas la chanteuse qui a fait un score déplorable à l'Eurovision. Je suis donc un sac, c'est une bonne réponse. Eh ben, bravo pour ce 3-0 face à Toff. Ouais. Bravo. Je m'incline devant le savoir et la connaissance. Oui. Ah, t'as été super fort. Ne merci nous enflammons merci, pas Toff. Non plus. Pour quoi tu dis ça? Non, pour rien. Voilà. Non, t'es jamais gentil. Ah, c'est chaud, mauvais. Ah, bah voilà, merci. Voilà. T'as été mauvais, j'ai été volé sur la deuxième question. Voilà, retrouve là, c'est mieux. Voilà, tu vois, je voulais te faire play, mais en fait, non. Ça marche ça, pas. C'est ça. Donc, j'ai été volé sur la deuxième question. C'est hein, ça. Donc, tu pourras réclamer pour récupérer un autre cadeau. Bah non, t'aurais eu un 0. T'aurais eu un 2, pardon. Non, parce que j'avais la réponse pour le troisième. Ah oui, c'est ça. Ça y est, la mauvaise foi de Sandro est communicante. C'est gagné, Mariem. Tu repars avec les cadeaux. Je te renvoie chez Michel au standard. Merci, vous, moi, t'as assuré. Salut. De rien. Vite fait. Hein. Salut, Mariem. Salut, Eric. À bientôt. Ciao à vous, bye bye. Bon, et puis bah, si vous voulez jouer à question pour une réponse, on remet le couvert demain soir, bien entendu, dès 21h. 612, débutez votre message par énergie, puis vous mettez QPR avec prénom, âge et numéro de téléphone. Est-ce qu'on pourra jouer à Bandy Row? Merci d'avoir joué avec nous et à bientôt après. Pour une nouvelle partie de questions pour une réponse. On jouera dans quelques instants, le temps de faire une petite pause, d'écouter un petit peu de musique avant de défoncer tout. Faut écouter un peu de musique qui est vraiment faite. Mais attention, mais attention. Non, mais dans Bandiro aussi, il y a de la musique. Ouais, c'est ouais, ça. Et ouais. On va même remplacer la musique juste après la pub par nous qui jouons. Ouais, c'est ça, t'as raison. Bien. Ah, waouh, génial. Bon, allez, on revient dans un petit instant. Ne bougez pas, on jouera à Bandiro si vous voulez vous inscrire. 612, débutez par énergie, puis vous mettez Hero avec votre numéro de téléphone pour choper le pack complet Bandiro avec la Xbox 360, le jeu et tous les accessoires, c'est-à-dire la guitare, le micro et la batterie et les baguettes. Les baguettes, c'est important. Les baguettes. C'est vrai qu'accessoirement, sont très pratiques pour manger des nouilles. Devant Bandit. Ouais, mais alors, faut vraiment avoir une grande gueule et beaucoup de nouilles. J'ai essayé, ça va, ça se gère. Hein. Ah ouais, lui, il a essayé. D'accord. Ouais. Ouais, écoute, il y a que ça à foutre, qu'est-ce que je te dise. Bon, allez, on se fait un petit peu de pub et puis on va revenir dans quelques instants. On vous donnera aussi les résultats de France-Irlande pour les barrages de la Coupe du Monde avec Jack. Et puis, on se mettra donc 30 Seconds to Mars comme promis. On jouera également encore à Band Hero. Et puis, on s'écoute Cascada juste après la pause. Evacuate the dance floor. C'était le son de Cascada sur Énergie. Evacuate the dance floor sur Énergie. Et comme d'habitude, on est là comme tous les soirs entre 21h et minuit. Vous lâchez toujours vos messages au 612. Débutez par Énergie, puis vous laissez votre numéro de téléphone ou alors sur amical.fm. Puisque je vous rappelle que toute cette semaine, c'est la semaine spéciale Band Heroes sur Xbox 360 sur Énergie. On vous en fait gagner tous les soirs deux packs. On a fait gagner le pack tout à l'heure avec Fanny, qui m'avait choisi à juste titre, puisqu'elle m'avait choisi pour la batterie. Et demain il y a un pro qui vient. J'ai gagné. Demain il y a un pro qui vient. Et ça c'est moins bien. Par un champion de Bandero. Moi voilà. Je joue pas contre lui déjà. Enfin c'est bien mais c'est pas bien quoi. Enfin c'est bien parce qu'il va nous montrer des trucs mais c'est pas bien. Mais c'est pour des bouffons. Mais non, on va le mettre au champ le mec. Ouais. Mais grave. Voilà, ouais, c'est comme ça qu'on va le niquer. Hein. Bon, pour jouer avec nous il y a David qui est là maintenant. Salut David. Ouais, salut l'équipe. Bon, comment, salut. Ça comment ça va? Bah ça va, nickel hein. Ouais, oui, bah oui, ça va bien. Bon, ça de l'autre côté, Frédéric, 38 ans, de Besançon. Salut Fred. Ouais, ciao Mickaël. Comment ça va? Ouais, bien. Ciao. Bien. Il voulait se dire bonjour à lui-même. Ouais, non, bah excuse-moi. Bah c'est pas grave. Bon, et de l'autre côté, Natafon. Natafon. C'est très très bien comme nom ça, Natafon. C'est Natafon? Bah c'est quand t'as plein de nattes, tu t'es fait des Natafon. Nat, oh, la vache. Ouais, c'est une vanne de merde. Hein. Voici le mot de Sandro et Ramzy. Nat. Ah merde. Faut mettre à fond. C'est moi qui ai pas poussé le bouton. Je suis en train de l'appeler et comme ça, un con. Et ça vous fait rire ça. Ouais, ouais. Non, c'est Mike ça. Nat à fond. Oui. Donc c'est bien Nat à fond alors. Ouais, Natafon. Ouais. Ah, Natafon. Ah, c'est pas mieux. Oui, c'est pas mieux, non. D'où ça vient ce. Pas comme si on passait de tout à rien, tu vois. D'où ça vient ce nom folklorique? C'est thaïlandais. Ah, c'est. Ah, c'est Natafon. Natafon. Non, mais au moins, t'as un prénom original. Mais c'est comme toi, Sandro. Quand tu pars en vacances pour avoir une tasse à ton nom, c'est chaud. C'est pas possible, Sandro. T'as fumé quelque chose ou quoi? Sauf si tu pars en vacances en Thaïlande, évidemment. Ouais, ah bah oui, là, ça va. T'es obligé d'aller en Thaïlande tous les ans. Là, ça va, ouais. Bon, Natafon. T'es obligé d'acheter les mugs. Natafon, t'as choisi qui, pourquoi? Mickaël. Pour la guitare. Oh putain, je suis mauvais à la guitare. Ouais, je vais essayer. Hein, ça mais va là... être bon, ça va être bon. Ouais, bah, pas pour vous, mais bon. On va mais voir. Qui a on choisi voir, les baguettes alors? Frédéric. Frédéric, ouais, tu veux, ouais. Tu as choisi qui, pourquoi? Toff à la batterie. Toff à la batterie. Très bien. Et David, tu as choisi qui, pourquoi? Sandro, au micro. Oh, alors le pourquoi s'il te plaît. Ouais bah je sais pas. Bah bonne question. De quel droit tu fais ça? Ça va le faire, ça va le faire. Roux, t'es gonflé parce que le passage que t'as fait tout à l'heure. Ouais mais il y avait de l'engagement. Alors j'attends de toi. Tu n'as pas gagné. Au moins autant d'émotions. C'est ça. On toujours va d'émotions quand je chante. Bon, ouais. Eh ben on va y aller. Alors Natafon, tu m'as choisi pour la guitare. Frédéric, ouais. Tu as choisi Toff pour la batterie. Et c'est bon, David, tu as choisi Sandro pour le chant. Je m'installe à nouveau et là par contre je pars pas confiant. Hein. Et vous allez faire quoi alors, Janet Jackson avec Black Cat? Black Cat. Black Cat. Yeah. Je connais pas du tout cette chanson. Bon allez vas-y, j'aime. Sandro, mets-toi à côté du micro qu'on t'entende. Oui parce qu'elle est elle exige beaucoup de trucs. Oui, elle bah, est capricieuse quoi, elle chante. C'est un peu une diva. J'ai galéré là. Ouais, dans l'autre sens, hein. T'as gratte, Mike. Il a mis les cordes face à son corps. Non, j'ai pas mis ça. Ah oui. Ah, et ça se moque de moi. Attends, t'as pas chanté encore. Bon, vous êtes chaud? Ouais, je suis chaud là. Mike, il faut que t'appuies sur le bouton vert. Allez, c'est tout gars, Mickaël. Mais qu'est-ce que tu prends, le mec? T'es droitier. T'es droitier, elle est dans le bon sens. Et toi, facture, hein. Paris-Bordeaux, 1-1, 1-2-3-4. Pas marché. Pourquoi? Parce que Mike, il a pas appuyé sur le bouton vert. Appuie. Voilà, on va y aller. Mais mettez une chanson que je connais. J'ai pas de casque, j'ai pas de retour. Bah ouais, c'est possible, ouais, une chanson qu'elle connaît. Pat, les musiciens en carton, quoi. Bah, c'est toi qui l'as voulu, Janet Jackson. Non, ouais, mais je la connais pas, avant celle-là. Oh bah, j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de faire une balance. Non. Si, vas-y, allez, on y va, hop. Une autre. Bah oui, mais quoi? Attends, Mike, fais gaffe, c'est toi qui gère. Descends avec la. Voilà. Mais don't speak. Allez, vas-y. Don't speak, montre-moi. Et no doubt. Allez, assume. Mais qu'est-ce que vous faites? Je regarde ce qu'il y a là. Ah oui, vas-y. Ah bah prends ton temps, fais comme tu t'en. Attends. Non, mais le problème, c'est que si tu mets un truc assez pas chanté, ça va être horrible. Parfait. Non, mais mets Nelly Furtado. C'est Mais non, on l'a déjà fait 15 fois. Mais non, on l'a jamais fait. Nicolas, elle est bien, elle est bien. Vas-y, mets Nelly. Allez, mets Nelly. Allez, mets Nelly. Allez, mets Nelly. Allez, mets Nelly. Allez, les gamins, je refuse de chanter là-dessus. Allez, allez, allez. Oh putain, les gars. Allez, c'est parti. Village People. Ah, allez. Ça va être horrible. Allez Sandro, dis-toi que t'es à ta fête de fin d'année. T'es à 1000% là. Que t'as un casque de chantier sur la tête. De toute façon t'es indienne comme eux. Oh là. Oh là. Allez, allez, nickel. Vas-y Sandro, vas-y. Des fausses notes. Attends, ça chante pas là. Oh là là là là là là là là, c'est dur. Duke-man. Ils sont tous dans le rouge. Première fois que ça nous arrive. Ça nous est arrivé sur la première qu'on avait fait. La catastrophe. Catastrophique. Un drame. Ouais, mais la guitare, je maîtrise vraiment pas bien. On a là. Fait que 32% de la chanson. Qui c'est qui a gagné? Et en facile, c'est toi. Ah, eh, gagné. 32% en facile. Ouais. Sur YMCA. Ah ouais, c'est sur YMCA. C'est vraiment une catastrophe. Non mais je comprends rien la gratte. On a été mauvais, mauvais, mauvais, mauvais. Non, c'est la gratte qui ne t'a pas compris, Michael. Ouais, je sais. Tu resteras jamais ça, compris. Perso, ouais. Moi j'ai gagné, donc je m'en fous. Ouais, enfin t'as gagné, pas avec les honneurs. C'est Sandra qui a gagné, ouais. Ouais, vite fait, hein, elle a gagné. Hein, elle a gagné sur le principe, hein. Mais bon, c'est pas grave. Bah oui, c'est la règle, c'est la règle, c'est pas grave. Bon, ouais. Et ben du coup, bravo à toi, David. 19 ans du 38. Bien joué, Sandro, bien joué. Ouais, je suis ravi pour toi parce que tu vas t'éclater avec ce jeu. T'enflamme pas. Bah, frère, bien joué, putain, j'attendais. Ouais, bah écoute. Bon, bah voilà, Bendy Rock qui arrive chez toi avec la Xbox 360, le jeu, la batterie, la guitare, le micro pour le chant. Et puis, bah amuse-toi bien, David. Bah, merci beaucoup, merci. Et salut à Fred, salut à Natafone également. Allez, ciao à vous, bye bye. Ciao. Bend Hero, c'est typiquement le genre de jeu auquel, quand je le voyais, tu sais, dans les boutiques de jeux vidéo, je me disais, mais pff, comment les gens ils peuvent acheter ça? Putain, j'ai joué 5 minutes, c'est un truc parce de que ouf. C'est typiquement toi, t'es comme ça pour tout. Ouais, c'est vrai, ça, ouais, t'aimes rien et au final tu testes et t'aimes rien. C'est quand tu testes, voilà, c'est l'arnaque parce que tu kiffes quoi. Ah, grave, c'est ça. Il y a juste la guitare, moi je suis pas. Ah, si, c'est le plus kiffant la guitare. Ouais, mais non, moi j'aime bien la batterie. Ouais, la batterie, je suis d'accord avec Mike. La guitare, j'arrive pas, c'est peut-être parce que je sais pas exactement ce qu'il faut faire quand il y a les touches. Parce que il y a des boutons vachement écartés en fait, et si tu maîtrises pas bien le doigté, forcément. Sur la guitare? Ah oui, toi tu maîtrises le doigté. Ouais. Bah non, justement, je suis meilleure à la batterie. Oui, enfin, je maîtrise mieux la fessée. T'es moins mauvaise. Ouais. Non, je suis très bonne à la batterie. Arrêtez les gars. T'es moins mauvaise. Non, à la batterie. Tu vois, c'est abusé. Tu vois. Non, mais vous êtes mauvaise. Non, mais c'est toi. Comme ça m'énerve quoi. C'est toi, c'est incroyable. Non, mais vas-y, je suis mauvaise. C'est pas grave. Pour l'instant, c'est moi qui ai gagné là au chant. Tu vois, ah bah ouais, avec 32%. Waouh. Wow. On est tombé sur une chanson difficile et je suis arrivée dernière. C'est ça, avec 32%. Ouais, bah c'est déjà pas mal. Wow. Je défie tous ceux qui auront gagné le jeu de faire YMCA à la chanson. Avec 32%. Waouh! Le running gag. Non, mais les relous. Bah, c'est ouais, toi, tous les deux. C'est tous les deux, les enfants. Tu vois qu'elle continue. Ouais, c'est vous les deux. Non, elle plus. Pour une fois que c'est pas vous deux déjà. On va t'emmener à la crèche, fais attention. Ouais, on va se coucher là. Parce que bon, on va se faire le polo show dans un instant. Oh. Et là, effectivement, on va se coucher, je te confirme. Et avant ça, on va se faire celui qui sera avec nous. C'est le 4 décembre, Jared Leto. On va se écouter le dernier single qui sortira sur l'album qui sort le 4 décembre. This is War. Écoutez ça, le dernier single, Kings and Queens. Et le son de 30 Seconds to Mars à l'instant avec Kings and Queens, Jared Leto qui sera de nouveau parmi nous. C'est le 4 décembre pour la sortie de l'album This Is War. Ce sera dans l'émission entre 21h et minuit. J'aurai l'occasion de vous en reparler bien évidemment. Et si vous kiffez, et si vous kiffez ce style de musique, je vous rappelle que très très très très bientôt, dans quelques jours, il y aura donc la nouvelle web radio rock Amical Rock Station. Voilà, je vous en dirai plus, je vous tiendrai au courant quand il le faudra. Ne vous inquiétez pas. Bon, allez, il est temps de faire The Pierre Waller Show. On y va ! Let's go ! Salut, c'est les Plasticines. On ne s'en débarrasse pas et Nicolas là. Po, po, po, po, po, Waller Show. Bienvenue dans le Polo Show. Je tiens à embrasser les plasticines qui sont en fait des filles charmantes. Enfin, je suis pas fan de la musique, mais elles sont charmantes et gentilles, donc je les embrasse si elles m'entendent. Un peu de pub, on se retrouve juste après. Si vous souhaitez dévisager vos proches en faisant passer cela pour un accident afin de toucher l'assurance, il y a un téléphone pour ça. Si vous souhaitez mettre un terme à vos communications monotones et passer vers des discussions plus explosives, il y a un téléphone pour ça. Et si vous voulez faire cuire de bons petits plats pendant vos week-ends camping sans vous encombrer d'un réchaud, il y a un téléphone pour ça. Découvrez le nouveau téléphone d'Apple, disponible avec sa nouvelle application e-Radiation. Uniquement sur l'iPhone. Salut, c'est Christophe Maé, je suis dans le Polo Show. Ça va ou quoi ? C'est quoi ça ? Faites pas passer pour un con parce que je raconte tout ce que je vois. Tour dans le Polo Show. Ah, j'ai du mal avec les boutons. Le standard est plat, le public est là. Tête de fenouille, mon stagiaire préféré est là. Michel est au standard, il a rempli le standard. N'appelez plus, surtout n'appelez plus. On commence tout de suite avec le premier auditeur de ce soir. Qui est là? Salut. Salut. Salut. C'est quoi, tu joues, tu fais quoi là? Hein? Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu veux? Non, bah ça pète parce que tu as bien l'air des lilas. Le point sonneur. Le camionneur, mon gars. Qu'est-ce que tu veux, le camionneur des lilas? Un Scania. Quoi? Un Scania. Un Scalia. Un Scania. Qu'est-ce que tu veux? Un camion, ouais. Oui, oui, j'ai compris, qu'est-ce que tu veux? Ouais, pour dire, j'appelle pour faire des gros trous, j'ai fait des gros trous dans ton cul, j'ai fait des gros trous. Bon, ça suffit. Gros, trous, le camionneur des lilas, allez, casse-toi d'ici. Qui est là, notre auditeur? On y va, on enchaîne. Qui est... Monsieur, attendez, vous êtes le, on garde le meilleur pour la fin, d'accord? Qui est là? Allô? Allô? Oui, comment tu vas? Bien, je t'entends pas, tu es où, dans une couscoussière? Oui, je suis complètement, je viens de sortir. Gilles-Louis, t'es où? T'es dans tes chiottes, là? Est-ce que tu peux aller dans un endroit où on t'entend mieux? Gilles-Louis? Allô? Allô? Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, il est mauvais. Allô? Est-ce que c'est un nom composé? Gilles-Louis? Allô? Allô? Ah bah, là. Hein. Qui est là? Allô? Ouais. Ça va? Ouais, toi? Ah, bah c'est Gilles-Louis. Allô, tu m'entends? Ça va? Oui, depuis tout à l'heure, j'ai dit conneries. Tu comprends pas ou quoi? Non, je te comprends pas. Oh, j'étais dans la couscoussière. Bon, vas-y, vite. Bon, dis-moi, je suis en train de jouer à ce jeu énorme de Xbox. Ouais. Mais je comprends pas pourquoi le Roux c'est un gangster. Qui? Non, je comprends pas pourquoi le Roux c'est un gangster. Mais j'en sais rien, j'en sais pas plus. Mais que si, toi. Parce que je suis en train de jouer à Bandit Roux. Tu peux revenir l'année prochaine? Est-ce que tu as compris? Non, j'ai pas compris. Allez, casse-toi. Tu as pas compris? Casse-toi. Mais le Bandit Roux. Ouais, allez, dégage d'ici. C'est nul. Qui est là? Qu'est-ce que c'est nul? Allô? Bonjour, Polo. Bonjour. Oui, c'est Bernard. Bonjour, Bernard. Comment ça va, le Polo? Bien, et toi? Oui, ça va, dis-moi, je t'écoute là depuis... Vite, ça pousse. J'ai mis un poste de radio dans mon tracteur. Bon, oui. Oui, et je t'écoute tous les jours, tous les soirs. Ouais, et je fais un carton chez les paysans, moi. Parce que j'arrive pas à te trouver sur le Minitel. C'est pas grave. Et je tape tous les jours de 36, 15 pour l'heure, je te trouve pas. Mais c'est normal, tu ne trouveras jamais. Bon, au revoir. Ouais. Le Polo Show va bientôt se terminer. Et pour terminer ce Polo Show, on va prendre Monsieur A pour terminer. Monsieur A? Oui. Oui. Et ça a sonné aujourd'hui à la porte. Je sais, comme tous les jours. Qu'est-ce qui se passe? Ça pousse derrière. Ça calme. Polo? Ouais. Et ça a sonné, et puis j'ai pas ouvert. C'est bien. Bah, je suis content, voilà, je suis content, monsieur. Il voulait me remettre une enveloppe. Alors je lui ai dit de la glisser sous la porte. Ouais. Et puis il a fait, j'ai pris l'enveloppe. Ouais. Et tu sais ce que c'est, Polo, dedans? Non. C'est un billet d'avion pour New York. Que la risée s'abatte sur lui. Monsieur, ça suffit, monsieur. La risée s'est abattue sur... La risée s'est abattue sur vous. Vous êtes bannis, allez-vous-en. C'est chef le Polo Show, merci à ceux qui l'ont écouté. Et merci surtout à ceux qui l'écoutent pas, car tous les soirs, grâce au sondage... Non, oui, je suis dernier grâce à vous, c'est dans les sondages, voilà. Au revoir. Bon, on y va, quoi. Ah ben, voilà, on y va, là. Monsieur A? Monsieur, ah, il a raccroché de lui. Eh, Poulou. Ah, ouais. Eh, Poulou, ben c'est toi qui es arrivé, hein, parce que j'ai bu tes notes. Il a un mauvais bulletin. Pour j'ai raccroché au nez, parce qu'il y a des choses qui ne se disent pas comme ça. Oh, tout de suite. Bon, très bien, terminé pour ce soir. Retour demain, bien évidemment, à partir de 21h, avec encore Band Hero à vous filer, comme d'habitude. Et puis, dans un instant, c'est la rediff du 6-9 avec Nikos, Mustapha et